La spéciale de Tifoul, 21h minuit sur Skyrock. Yeah, grosse spéciale, on y va, c'est parti, hein, le dimanche soir, vous connaissez le rencard. La spéciale de Tifoul, les moments les plus oufs de la radio libre. Bon, pour ce soir, on va faire une émission un petit peu particulière, évidemment. Momo nous a quitté il y a tout pile une semaine cet après-midi. Il y avait un grand rassemblement devant le Parc des Princes pour rendre un nouvel hommage à notre Momo. Donc voilà, un big up à toutes les personnes qui étaient présentes. Il y avait même des supporters d'autres équipes que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, une grosse pensée à vous tous, et puis bien évidemment vous toutes et vous tous de toute la France qui avez laissé des messages tout au long de la semaine, et puis encore en ce dimanche après-midi. Je ne veux pas trop parler ce soir, hein, je vais laisser faire un petit peu toute l'équipe. On va revivre en partie l'émission de lundi dernier avec quelques petites choses qu'on a rajoutées, notamment Fabébi qui était au collège avec Momo, qui avait sorti quelques dossiers. Donc on y va, la spéciale de Momo, on y va tous ensemble jusqu'à minuit. Momo toujours avec nous, c'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock. Bon, toute l'équipe est là. Momo, évidemment, avec nous toujours. Romano, bonjour. Bonjour. Bonsoir la Marie, bonsoir Cédric. Bonsoir Samy. Salut. Bonsoir Karim. Salut. C'est ensemble qu'on se retrouve tous les soirs. Le truc marrant dans l'histoire, c'est qu'il a attendu la fin du match du PSG pour s'en aller et qu'il a demandé les résultats. Il s'est réveillé après le match du PSG. Il a demandé, mais c'est quoi les résultats? Et on lui a dit 2-1, il a eu un sourire, et puis après il est parti. Et donc voilà, je remercie aussi les supporters du PSG qui sont en bas, qui bloquent la rue, qui sont là. On vous salue les gars, on viendra vous voir tout à l'heure. Vous avez envie de lui rendre un hommage, on ira faire un petit tour dans la rue parce qu'on peut pas tous vous faire rentrer ce soir. Ah ouais, parce qu'il y a du monde, la rue est blindée. Merci pour lui. La rue est blindée, mais il aurait halluciné. Elle est coincée, mais c'est clair. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure. Même tous les messages toute la journée, c'était hallucinant quoi. Il aurait halluciné parce que au moment où il est venu dans l'émission, un peu comme vous passez tous les soirs, quand vous nous appelez, que vous nous passez un petit coup de fil, que vous vous appelez pour faire les avec nous, pour dire un truc, pour parler de vos passions, pour nous faire vivre des trucs. Et alors lui, son truc, vous avez compris, hein, c'était le PSG. Hein. Ah, ça c'est son truc, c'est le PSG, Momo. Donc, il avait appelé dans l'émission à la suite de... Bah, parce qu'on parlait football, c'est que je suis quand même un grand spécialiste du football. Oh, mais ouais, bien sûr. C'est normal qu'on se soit retrouvés ensemble sur Skyrock en tant que grand spécialiste du foot. Là, oui. Et donc, il appelait, il avait 14 ans, il était chez lui, et il passait... C'était Momo Sakomano. C'était au début, c'était Momo Sakomano. Ouais. Et il passait dans l'émission pour nous parler du PSG, ce qui est d'ailleurs déclenché aussi un peu après l'arrivée de Samy, parce que Samy nous écoutait également, Samy le Marseillais, c'est grâce à lui, nous écoutait à Marseille et était très énervé par le Parisien Momo qui faisait des commentaires pas gentils sur l'OM. Mais tu sais que c'est exactement ça. Bah oui, c'est ça. Je me souviens de soirée à l'écouter, à me dire, mais c'est pas possible, faut que j'aille défendre mon club moi aussi, tu vois. Oui. Et ce mec me donnait vraiment. Qu'est-ce qu'il dit, ce con de Parisien? Non, mais il me donnait vraiment envie d'appeler pour faire comme lui, passer d'abord en tant qu'auditeur à l'antenne, tu vois. Et puis en antenne avec Momo, on se parlait sur le chat de Skyrock. Et vous vous insultiez ou pas? Non, pas du tout. Après, quand ils se sont rencontrés, bien sûr, ils se sont insultés. Mais si, lui, supporter de Paris, moi de Marseille, mais on avait quand même la même vision des choses, tu vois. On délirait quand même sur les autres clubs, on traquait Lyon. Ouais. Oui, en fait, ils se retrouvaient quand ils parlaient des autres clubs et qu'ils chiaient sur les autres clubs. C'est ça, c'est tout. Ouais. Pour que Samy et Momo s'entendent, Samy, tu as vu Lyon? Ouais, c'est ça. J'ai vu Lyon, c'est de la merde. C'est on passait des soirées comme ça à parler de foot, sur le chat, et puis des fois on s'appelait et tout. C'est, ah, tu vois, c'est, voilà. Donc voilà, donc il était arrivé comme ça dans l'émission, passant à l'antenne. Un an et quelques après, il s'est retrouvé dans l'équipe. C'est ça. Et puis depuis, il était avec nous. Il est toujours avec nous. Et il a passé plus de la moitié de sa vie avec Sky. Ouais. Et avec vous tous, et avec vous toutes, et avec toute l'équipe qui est là ce soir. Bon, si vous, on va essayer de rigoler quand même un petit peu. On va essayer de retrouver plein de bons moments de Momo. Ouais. Tiens, il y a un truc qu'on a retrouvé dans nos archives aujourd'hui. C'est un clash de la drague Romano, parce que Cédric était encore absent. Hein, bah, voilà. Une fois de plus. Ouais, ça m'arrive si rarement. Oui. Ah bah oui. Bon, en tout cas, t'as été là pour Momo. Voilà, donc c'est l'essentiel. Donc oui, on a retrouvé un clash de la drague Romano contre Momo, qu'on vous fera écouter un petit peu plus tard dans la soirée. Avec Momo était quand même un grand dragueur. Ben, c'est-à-dire que pendant le clash, je suis obligé de le coacher. C'est la première fois que ça arrivait. C'est comme si le soir, je donnais des conseils à Cédric. Momo, j'étais obligé de lui apprendre à draguer alors que c'était mon adversaire. Mais t'es quand même le grand spécialiste. Ah bah oui. Avec Cédric, bien sûr, une grande spécialiste du clash. Donc Momo était également un grand dragueur. Ah bah Momo, toujours la braguette ouverte. Ah bah. Moi, c'est l'image que j'ai de lui. C'est Momo, la braguette ouverte. On lui disait à l'antenne, mais le soir quand j'arrivais, je le voyais, il disait bonjour, je lui disais Momo, ta braguette. Il était là, non, c'est bon. Non mais c'était son pantalon qui tenait pas, moi. Il me disait tout le temps, c'est ce pantalon-là, ça ne tient pas. Oui, ouais, alors, c'est sympa. Ou alors il en avait qu'un. Le problème, c'est que vu sa taille, nous on était assis, on avait la gueule sur. T'es assis, t'étais au niveau de son. C'est C'est ça. Ça c'est clair. Donc voilà, donc Momo nous a quitté mais nous quittera pas et c'est ce qu'il nous avait demandé d'ailleurs, il nous a demandé de jamais de pas l'oublier en disant je reviens dans 3 mois, j'aurai de la force et tout. Et donc voilà, nous évidemment, on l'oubliera pas, vous non plus. Merci pour tous les messages. Il aurait halluciné Momo parce que c'est quelqu'un comme tout le monde, c'est pas une star, c'est pas, et de voir tous les messages que vous avez envoyés, que vous envoyez encore maintenant. Merci à Yann. Même Jérôme Rotten qui a tweeté un truc. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que l'histoire avec Jérôme Bretagne, on vous en parle maintenant rapidement. Il y a la vidéo, on peut la remettre. On va vous mettre la vidéo sur tous les réseaux. Et c'est Jérôme Bretagne, ex-joueur du PSG, qui s'était embrouillé sur le terrain avec Momo. Parce que Momo, il distribuait des tracts, parce que le PSG à cette période, ça allait pas. Il faisait la grève d'encouragement. Ouais, il faisait la grève. Donc ouais, c'était avant la période de Qatari. C'est ça. C'était le PSG, comme tu le dis, Romano, le PSG avant Qatari. En fait, c'était comme Marseille aujourd'hui. La bonne époque. C'était le PSG, mais comme Marseille aujourd'hui. C'est ça, exactement. Momo était sur le terrain, des tracts, il a distribué à Rotten, il a lu le tract, il s'est vénère. Il l'a mis en boule, il l'a acheté, il est parti en brouille. Et Momo, il y a la vidéo. Il l'a jeté à la tête. Ah, mais Momo était passé sur Canal. Sur toutes les chaînes. En direct, Dans les zappings. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, à l'époque, il voulait pas trop monter sa tête et tout. Ouais. Là, Momo, le gars était passé en direct. Il était vénère. Oui, en fait, Momo ne voulait pas qu'on le voit parce qu'on fait de la radio et on est un peu comme ça. Ah, il voulait pas. Bon, et c'est vrai que ce jour-là, il est passé sur toutes les chaînes de télé. En direct, il était fou. C'était la fiche. Et Jérôme Rotten, donc on remercie Jérôme Rotten, c'est très gentil parce que c'est vrai que leur rencontre était d'une embrouille avec un tract de protestation des joueurs contre les joueurs du PSG dans lequel ils disaient en gros bougez-vous le cul tout ça. Exactement. Et il a envoyé un petit message dès ce matin à 8h ce matin. Triste d'apprendre le décès de Momo au Skyrock, un vrai amoureux du PSG, tu vas nous manquer, courage à la famille. Et d'ailleurs nous voudrait on voudrait lancer un petit message à toute la famille de Momo qu'on a vu avant et à la maman de Momo en particulier. Bisous, qu'on embrasse très très fort. Gros bisous. En disant que votre fils était très aimé. Et c'était un putain de bâton. Ah ouais, un courageux. Courageux, ouais. Et il a été, on dirait pas comme ça. Hein, il a été courageux parce qu'il a lutté jusqu'au bout, il y a cru jusqu'au bout. Ah, il s'est battu, ouais. Et il a toujours gardé le moral. Ouais. À chaque fois, il disait garde le moral, Momo. Ah bah c'était nous. Et Momo, il était là, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais tu sais qu'à chaque fois, je lui demandais, Momo, ça va mieux tout. À chaque fois, il me regardait, il me disait, ça va, Hamdoullah. Ouais, toujours. Toujours Hamdoullah, ouais. Momo, c'est le seul mec qui a des maladies graves et qui te fait passer ça pour des rhumes. Ouais, pour un rhume, ça va, c'est cool. C'est bon. C'est cool, Momo. Vous l'entendiez plus depuis, enfin, vous l'entendiez moins depuis 2-3 mois parce qu'il n'avait plus de voix et c'est vrai qu'il était là. Oh, t'inquiète pas, j'ai une grippe. Tout va bien. Tout va bien, Momo. Bah écoute, tout va bien. Merci pour tous les messages. Donc, le message Jérôme Rotten, tous les autres aussi qui ont. Même le PSG a posté un message. Serge Aurier. Serge Aurier qui a parlé aussi. Terrible, vrai soldat et grand supporter du PSG. Repose en paix, mon pote. Tu es dans mon cœur à jamais, la famille. Ça, c'est le tweet de Serge Aurier. C'est Aurier qui a tout dit. Merci Serge Aurier. Et moi je voulais remercier Oli de Big Flo et Oli, les deux ils m'ont envoyé un gros bisou. Oli, j'ai eu des messages aussi. Peut-être pas citer tout le monde parce qu'on va en oublier les psychiatres de la rime que Momo aimait très fort aussi. Soprano, Alonso, Vincenzo, Azoxy aussi. Azoxy qui était allé le voir avec nous, qui était présent. On parlait de foot, il y a Bengouz. Merci Bengouz. Il a posté aussi. Merci Marseillais. Manon, le message de Bengouz. Ouais, comme quoi, c'est ça qui était beau, c'est que Parisien jusqu'au bout, mais même les Marseillais ont pensé à lui. Il y a plein de Marseillais qui ont fait des Repose en paix, Momo, tu étais un mec en or. Je suis fier d'avoir rencontré une personne comme toi. Mes pensées vont vers sa famille et ses proches ainsi qu'à toute l'équipe Skyrock. Merci RIP Momo. Merci Bengouz. #RIP Momo. Merci Bengouz. Ouais, c'est vrai que tu l'avais vu il n'y a pas très longtemps, Bengouz. Donc du journaliste sportif également. Ouais, il y a plein de monde. Estelle Denis, je pense que c'est dommage que ça arrive après. Sur le Paris, ce qu'on dit dans ces moments-là, c'est dommage que ça arrive après. Donc profitez des gens que vous aimez, profitez des gens que vous kiffez, et puis on va passer la soirée ensemble. Alors je l'ai dit pour le clash de la drague de tout à l'heure. Ah, on voulait vous faire écouter un petit quelque chose quand même parce qu'on a préparé des trucs pour Momo. Momo dans ses meilleurs moments. Ses œuvres. Ouais, attention. On peut le dire comme ça. Momo dans ses œuvres, dans la radio libre sur Skyrock. Écoutez, c'est pour lui. Allô? Salikoum Salem. Pour le foot, il y a de nouvelles, Momo, vas-y, fais-le. La troisième place. Non, mais on me l'a conseillé. C'est bien, pour c'est ça. Bien, Momo. Comme ça, il n'y aura pas de grouge, rien du tout. Pas de grouge, merci, Momo. Mais tu parles aussi bien que ça. Il n'y a pas de grouge. Bonsoir tout le monde. Hein. Préviens pas quand tu vas au match. Ah, désolé, non. On m'a offert la place généreusement. Ah, Momo, tu l'as bien acheté, la place. Non, non, on m'a donné. Tellement il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Écoutez bien. C'est pas moi. Momo regarde un match de basket à la télé. Aïe, aïe, aïe, t'as la possession de balle du match. Voilà, il est tout seul. Aïe, aïe, aïe, t'as la possession de balle du match. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Non, oh non. C'est marrant, mais bon, chaque fois qu'il soutient une équipe, il y a toujours des problèmes. C'est ça. Oh non. Non. Oh non. C'est barbecue, hein. Allez, moi, je rentre chez WAM, gros. Allez, je rentre chez WAM. Allez, bon, tu rentres chez toi, Momo, après le match. Allez, salut. Allez, salut. C'est Momo. Ouais. Eh oui, Momo contre Romano. C'est le clash de ce soir. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Alors j'aime la chanson. Alors la chanson, c'est ça. Ça vous plaît ? Attendez. Ici c'est Paris. C'est joli, non ? Ah, c'est bien. Ouais, ça vous plaît ? Ouais, c'est bien. Et je peux venir après ? Ah non. Allez. Et non. Ça t'excite pas un peu ? Pas trop. Remets le « Allez, salut !» Ah ouais. Allez, ça. Salut. Allez, salut. Salut, Momo. Salut, Momo. Salut, Momo. Salut. On le retrouvera tout au long de la soirée, évidemment. Vous êtes là en direct avec nous. On va vous prendre... Ça lui a fait tellement plaisir, tous les messages que vous nous avez laissés. On va prendre Kitam, qui est au téléphone avec nous, ouais. Qui est fidèle de Sky. Salut, Kitam. Bon, ouais, Kitam. Bonsoir, Kitam. Bonjour, merci à toi de ton coup de fil. Ça fait du bien de voir qu'on est tous ensemble. Et qu'on pense à lui. Ce matin, vous nous avez fait mal au cœur, mais il fallait répondre présent pour Momo. Désolé, pour ce matin, on n'a pas fait l'émission, on pouvait pas. Donc, ouais, non, c'était un peu dur. Oui. Voilà, on est venu vous faire un petit coup à 7h du matin pour vous expliquer pourquoi on n'était pas là. Et puis, demain, on sera là. Et puis, on va continuer de rigoler tous ensemble. Oui. Puis pour lui, pour la famille, pour. Et puis pour vous tous, pour voilà, parce que voilà, il n'y a pas le choix au final. Hein. Et donc toi qui t'aimes, toi t'es un nordiste, hein. Parle comme chaud, non. Parle comme chaud, hein. Parle comme chaud. Je sais que t'aimes bien Romano, qu'on parle ski là. Ah, j'adore votre accent. Ah, mais là, ouais. Il bande. C'est pas non, il braillait pas mal quand même, le Momo, quand le PSG il perdait. Hein. Ah, bah ça. Mais on vous fera écouter. Il en a fait des crises. Ah, ouais. On vous fera écouter. Ah, ouais. Vous avez entendu le petit extrait avec le match de basket. On vous fera écouter la totale avec le match de basket. Parce que quand Momo. Parce qu'on a installé des micro-espions. Hein. Vous savez qu'à Skyrock, on est comme ça. Hein. Donc on a installé des micro-espions dans, ça le rendait dingue. Dans le studio où Momo regardait le match de basket, tranquille. Il n'allait pas être traqué, en fait. Non, c'est pour ça qu'on adorait le traquer, nous, Momo. Ah, ouais, ouais. Ah, c'était un jeu, c'est un jeu. Ah, ouais, Puis il prenait toujours les trucs bien, quoi. C'est clair. Ouais. Et donc on fera écouter le match de basket. On fera écouter aussi Momo devant la console si vous êtes fan. Momo le gamer. Voilà. Il a cassé quelques consoles, oui. Oui, quelques téléphones. Ah, ouais. C'est vrai, il a cassé un paquet de trucs, Momo, parce que quand même, il faisait 2 mètres. Ah, bah ça va vite. Hein. Force de la nature. La taille des mains. Je me souviens quelquefois. Vas-y. Vas-y, moi je l'ai rencontré deux fois en fait lors d'un Valenciennes PSG en fait. Toujours autour du foot. Ouais, toujours autour du ballon. Il était venu voir le stade de Valenciennes. Et je l'ai revu aussi une fois quand j'ai eu la chance de venir vous voir à la radio. Et j'ai pris un 8-0, je crois, à FIFA ou un truc comme ça. Ah, il t'a tapé le cul. Il t'a démonté. Ah, il t'a pas fait de cadeau. Non. Et franchement, au passage, un mec aussi accessible. Cool et agréable, t'en croises pas beaucoup dans ta vie. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu passer ce soir, parce qu'il faut le dire. Et puis en fait, ça a été répété, amplifié, on l'a lu partout. Ce que je vais dire là, c'est que répété, mais voilà, faut le souligner, quoi. C'est un gros nounours, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai, exactement. Exactement, ouais. Notre nounours. C'était un peu notre enfant à nous tous, Momo. C'est ça. Et écoute, c'est gentil, Kitam, de nous rappeler ses souvenirs, les souvenirs que t'as de lui. Un auditeur aussi qui nous a envoyé une photo d'un match aussi ce matin. Putain, d'un match de Nantes. Ouais, moi je l'avais croisé à Reims, moi. J'étais allé voir Reims PSG. Mm-hmm. Et je vois Momo de loin. Tu sais, je cours, je saute sur son dos. Il me portait comme un sac à dos. Je lui dis, allez, vas-y, emmène-moi. Tu sais, là, emmène-moi dans. Il marchait avec moi dans le dos. C'est comme un sac à dos. Il marchait pou, pou, pou. Ah, bah, il se promenait, hein, Momo. Ah, en fait, puis Momo, il y a eu toute la période où il allait au parc avec son drapeau couette, là. Ah ouais. Et son tambour, c'est pas vrai. Quand il est excité. Ah ouais, il y avait des auditeurs qui nous appelaient. Ouais, Momo, j'ai filmé, mais il y a des photos. Il était avec son drapeau. Et lui, tu te rappelles pas, il arrêtait pas de dire ah non, c'est pas vrai. C'est pas moi, t'as dû confondre. Si. Et Momo et sa célèbre trompette aussi. Ah bah ouais. La célèbre trompette du. C'est un sacré troubadour, le Momo. Ah oui, il a voyagé, il connaît tous les stades, il connaît tous les stades de France. Ah ouais, ouais. Ah, d'Europe même. Puis tout à l'heure, je croise quelqu'un qui dit, ah c'est marrant, une fois j'ai vu Momo à Nancy, eh, j'ai vu Momo à Monaco. Ouais, de partout, partout, autant autour des stades. Voilà, Momo le baroudeur. Eh bien merci. Il avait posté une fois une photo où est-ce qu'il avait tous ses tickets, où est-ce qu'il avait bougé à droite, à gauche. Il faisait la collection. Des écharpes, et écharpes aussi, billets de match. Et les billets de match. Et des écharpes de tous les clubs. En plus. Et sinon, Difool, pour conclure là-dessus, tu sais, moi je suis un auditeur depuis tes premières heures sur Sky. Mm-hmm. Et l'entendre en 99, j'ai l'impression que c'était hier. Et puis depuis, on était au téléphone, dans son lit. Premier sur le foot, bien sûr. Premier sur le foot, bien sûr, avec la petite musique qui va avec derrière. Ouais, Momo premier sur le foot. Bah oui, c'est avec lui qu'on a suivi tous les matchs. Tu disais, n'empêche, grâce à lui, j'ai appris plein de trucs dans le foot. T'as vu, je connaissais rien. Tu vois. Ouais, bon. C'est une bible, hein. Bon, il disait quand même des conneries. Ah non. Alors c'est une bible. Il ne faut pas exagérer, Kitam. Il disait quand même des conneries du foot. Ah oui, il y avait les. Bon, c'était des fois approximatif. Les célèbres erreurs de Momo. Mais j'ai quand même. Non, mais j'ai appris pas mal de trucs. C'est clair. Avec Samy et toi. Oui, c'est vrai. Vous avez contribué à la culture footballistique de Skyrock et de la France entière. Bon, Cédric, lui, n'a jamais avancé d'un peu. Ah non, j'ai toujours pas compris. Même s'il m'a expliqué, j'ai pas compris. Je te jure. Samy, Momo au début, c'était exceptionnel au téléphone. Ah oui. Ah non, ça rendait bien. Dis-toi que ça continuait en antenne. Ah ouais. Oh là là. Ça s'appelait le week-end. Non, mais on regrettera aussi les embrouilles qu'on a eues avec Momo, parce que même toi, on va regretter tous les moments qu'on a eu avec lui. Et en tout cas, merci Kitam, on t'embrasse. Il n'y a fort. Pas de souci, l'équipe, et puis au plaisir. Et mais dans d'autres circonstances. Quoi. Oui, on espère. Merci Kitam. Reviens quand tu veux, Kitam. Merci gros. Toujours avec fidèle depuis le début, Kitam. Merci. Je peux terminer sur un truc, sur un dernier petit truc. Ouais. Pour une bonne petite norme, les dieux du foot, ils ont dû le rappeler un petit peu plus tôt que prévu. Et c'est sûrement une demande de Johan Cruyff qui avait besoin d'excellents adjoints pour monter une putain de Dream Team là-haut. On joue au ballon là-haut. Big. Ce sera Momo l'entraîneur. Big up. Momo, c'est big le goal. Up, c'est le goal. Ouais. Tu le mets dans les cages. Qui est dorénavant dans le sky, quoi. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer. Merci, Kitam. Merci, Kitam. Merci. Et puis des bons moments avec Momo, je vous le disais tout à l'heure. Momo et sa console. Momo et ses matchs. Match de basket. Il y a quelques dossiers. Les vœux de Momo. Pour la nouvelle année aussi, parce que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas entendu parce que c'est passé hors antenne. Parce que vous savez que tous les ans on enregistre des vœux de. Alors, ça, c'est toujours un grand moment. En général, ça se passe après l'émission, on enregistre les vœux de bonne année avant de partir en vacances de Noël. Et on a du mal. Et Momo avait beaucoup de mal, nous aussi. Et surtout Momo et Marie ont du mal. Merci. Avant même qu'ils aient commencé, on était déjà c'est pour ça, on n'y arrivait pas du coup. On savait que ça allait pas aller. Oui, c'est vrai. On savait que c'est. On soutenait avec Momo. On savait qu'il y avait des problèmes. Bon voilà, on savait qu'on allait passer du temps pour vous souhaiter la bonne année. Donc on va retrouver Soprano. Ah oui, Soprano qui a tweeté un message hier. Une légende africaine et un ami parisien qui s'en vont, c'est un triste dimanche. Soprano, merci, ça nous a beaucoup touché. Merci Soprano. Il y a Cyprien aussi qui avait tweeté Momo de Skyrock nous a quitté, je pense à lui. J'ai rencontré quelqu'un d'aussi ouvert et attentionné, c'est triste, mais allez, au Lakers. Il y a les ultras parce qu'en fait, il y a a priori beaucoup de monde dans la rue. Il y a beaucoup de fumigène dans la rue. Et ils vont pas pouvoir rester longtemps. Je crois que la police va pas tarder. Il y a Fred qui est en bas. Il rend un hommage. Fred, tu m'entends ? Vous m'entendez ? Ouais. C'est. Ah, c'est un moment particulier ce qui se passe en bas de la radio. Allez voir. Ah ouais, il faut que vous veniez, il faut que. Je pense qu'on mettra des images pour que tout le monde puisse en profiter. Vous entendez, je vais vous laisser écouter ce qui se passe dans la rue. Ça c'est rue Grenetta devant Sky. Il y a une énorme banderole. Les PSG pour Momo avec des écharpes Supra, Paname. Ouais, j'ai vu, il y avait des écharpes aussi qu'ils ont. Et des fumigènes. La rue est remplie de fumigènes. On a l'impression que c'est. Ça lui ferait c'est toute la tribune. Ça lui ferait tellement c'est, plaisir. C'est vraiment un moment émouvant, mais très particulier. Bah, tu les remercies tous pour, pour nous tous. C'est un bel hommage. On a l'impression d'être dans une tribune du Parc des Princes. Et c'est juste en bas, en bas de la radio. C'est hallucinant, Avec ses potes. Ah oui, ça lui donne arrivé, c'était. On a vu tout ça, on a vu tout ce monde. Ouais. Difool, faut que tu viennes. J'arrive. Viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre, l'équipe est en train d'avancer. Enfin, c'est. Ce studio, venez, quelqu'un vient dans le studio parce qu'on descend tous là. Ouais, on va envoyer quelqu'un au studio, on va récupérer ça au studio. Alors, on descend, j'arrive. J'envoie Prisca. Tiens, viens Prisca, regarde. est-ce que tu peux monter au studio rapidement? T'as assez de force? On est en direct sur Skyrock et un hommage absolument touchant, touchant. Je vous fais écouter ce qui se passe ici en bas de la rue. C'est une petite rue, la rue Grenetta, pour ceux qui ne connaissent pas, ici en plein cœur de Paris. Et la rue est blindée, c'est-à-dire que la rue est... Tiens, Difool, celui-là, viens, viens, regarde, tiens, je te passe le casque. Merci, Fredo. Ah ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Impressionnant. Merci les gars. Et là, j'ai le meilleur ami, enfin des meilleurs amis de Bobo. Salut, c'est pour la vie. Salut. Salut Omar, ça va? Ça va, ça va, on fait aller. C'est bien ce que vous faites les gars. Car nous deux, c'est pour la vie. Allez Bobo, allez Bobo. Où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul. Car nous deux, c'est pour la vie. Allez Bobo, allez Bobo. Merci les gars. Tu ne seras jamais seul. Car nous deux, c'est pour la vie. Allez Bobo. Voilà, les supporters du PSG dans la France entière, avec vous, avec nous. Allez Momo, où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul. Nous sommes là. C'est pour la vie. Allez Momo, où tu es, nous sommes là. Je sais pas combien ils sont, mais vous êtes. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci à tous. Merci les mains. Allez Momo. Allez, je vais aller derrière votre tifo. Allez les amis. Tu ne seras jamais seul. Car nous deux, allez Momo, allez Momo. Où tu es, nous sommes là. Tu ne seras. Nous aussi on est là. Et on reste tous ensemble tout au long de la soirée. Vous pouvez nous appeler. Où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul. Car nous deux. Merci les PSG Man. Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes là. On va vous retrouver dans un instant en direct sur Skyrock. On balance la pub et on met Sopra juste derrière. On vous embrasse, à tout de suite. Merci les gars, merci les parisiens. J'ai jamais eu autant de supporters parisiens autour de moi. Merci à vous. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Le meilleur de Momo, la spéciale de Momo qui continue jusqu'à minuit. On vous repasse l'émission de lundi soir, hein, l'hommage à Momo, à notre Momo. On se met Soprano tout de suite avec Cosmo et on retrouve Difool, Romano, la Marie, Momo toujours avec nous, Samy, Karim, Cédric, hein, Cédric le Belge pour la suite de la spéciale de Momo jusqu'à minuit. Cosmo de Soprano sur Skyrock. Tout de suite, vous retrouvez Difool, Romano, la Marie, Karim, Cédric, hein, Cédric le Belge et Samy pour la suite de la spéciale de Momo. Momo toujours avec nous, la spéciale de Momo jusqu'à minuit. Yo, yo. J'adore soir. On se remet en contact. Là, je suis retourné dans le studio. Je suis tout seul avec Stéphane. Le Marseillais. Eh ouais, je suis venu. Eh ouais. Aider parce que vous étiez en bas avec les supporters parisiens. Exactement. Vas-y, remets le micro. Vous êtes là, Fredo, Romano. Romano, ouais. Il est là, il rentre. C'est une minute de silence qui est. Je sais pas combien il y a de supporters. Impossible de savoir. Ah mais la rue est pleine. La rue est pleine. Ouais. Et vos messages aussi. Merci Mitch, merci Callaghan, merci. Tiens, je vous fais écouter. Voilà. Merci la police également qui a laissé faire tout ça tranquillement. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans la rue. Et qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. On a reçu du monde, hein. On a reçu Rihanna, on a reçu Eminem. On n'a jamais eu autant de monde devant la radio. Ah ouais, tout ça c'est pour lui. Momo, t'es une star. Ouais. Même s'ils s'en foutaient d'être une star, mais écoute Momo, t'es une star. Et c'est bien. Voilà, devant Skyrock, avec toute l'équipe de la Radio Libre, avec Fred, avec toute l'équipe de Sky également. Merci, merci à vous tous. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous. Oui, merci. Ah ouais, merci. Merci, merci à vous. Merci, merci les gars. Ah ouais, merci. Et un petit hommage lors du prochain match du PSG, ça lui aurait fait tellement plaisir. Mais je pense que vous passerez à lui. Marie vient de remonter. Est-ce que tu veux dire un mot? On est en direct à l'antenne. Tiens. Avec qui? Je suis avec un des membres, évidemment. Des supra parisiens. Les célèbres supra. Il y a beaucoup d'émotions. Ah, ils ont fait en fait. Un bel hommage. Beaucoup d'émotions. C'est bien ce que vous avez fait, les gars. Ouais, c'était carrément comme. Ah, on est tous ensemble, on l'a chanté. C'est ce soir tous unis que vient se maquiller. Pégé, allez, pégé. France. On n'oublie pas le PSG. Merci les PSG man. Merci les supporters. Merci à vous. Merci Callaghan aussi pour tes messages. Merci Jules. Mais ils sont combien? Ils sont 100 là, non? Charles, tu rigoles, Marie. Ils sont combien? Mais je sais pas, je m'en rends pas compte. J'y connais rien en quantité de personnes. Mais... Oui, c'est vrai qu'au niveau des mathématiques, Marie. C'est quand même pas ton truc. Oui, puis je suis pas très grande, de, je serais incapable de vous dire, je suis à côté de Karine, évidemment, Cédric, mais la rue est blindée. Ouais. Et pleine, et c'est un hommage. Ah ouais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Poignant, ouais. Voilà, vous êtes super, les gars. Merci à vous, merci à vous tous, vraiment, merci. Merci à vous, ne l'oubliez pas, il aurait aimé que ça se passe comme ça, dans le calme. Et avec dignité, avec amour. Allez, les PSG Man. On vous remercie. T'as une petite chanson pour Momo qui leur a fait tellement plaisir. Allez, sa chanson préférée. Allez, pour Momo. Allez. Jamais réussi à le faire chanter derrière un micro. Hein. C'est vrai, il voulait pas chanter. Non, jamais. Non, mais il la supportait pas en fait. Oui. Il l'assumait pas, ouais. Ah, c'était un peu trop pour lui. Paris Saint-Germain, les mamos. Bon, merci pour ce super hommage que vous avez rendu en direct sur Skyrock ce soir à 21h28. Si vous venez de vous brancher, Momo nous a pas quitté parce que Momo est toujours là. Et puis, la preuve qu'il nous a pas quitté, c'est qu'il est dans toutes vos têtes à vous, dans les têtes des supporters qui étaient là ce soir et qui sont venus devant les cieux de Skyrock comme ça. Merci. Merci à eux en tout cas. Merci à vous. C'était beau et émouvant. Merci à vos messages également, merci à vous tous. Ah bah tiens, Momo, vous avez promis qu'on allait le retrouver pendant l'émission, hein? Oui. Alors, on va le retrouver devant sa console, on va le retrouver devant les matchs. On va le retrouver dans un clash de la drague tout à l'heure. En mode dragueur. En mode dragueur. Ah Momo, le tombeur de ses dames. Mais beau gosse, hein. Attends, ah, Momo, c'est moi, je l'ai vu draguer, hein, Et Momo, il niquait quand même en chaussettes, hein. Oui, c'est vrai. On a vu des témoignages. En chaussettes de foot, mais chaussettes du PSG. Ah bah toujours. Ah bah attends. Toujours, dans sa couette du PSG. Ah oui. Exactement. Écoutez bien, c'est Momo et c'est sur Skyrock. Attention Momo, salut à tous, c'est DJ Roro. Momo, est-ce que tu es prêt? Non, c'est bon. Ah, chica, chica, chic. Look at Momo, Momo is a catcher. Momo, big Momo now. Big Momo now. Big motherfucker, Momo now. Momo! Merci beaucoup, Snoop. Thank you very much. Thank you. Bring her to the concert Wednesday. I want her to come. Marie, t'oublies pas de venir au concert. Wow, Marie! Mais Marie, c'est un peu la folie ce soir. Ok. Thank you very much, Snoop. Bring big Momo too. Et on amène gros Momo. Bring Momo too. Gros Momo, tu feras un combat de catch au début du concert. Voici maintenant Momo qui joue à Call of Duty sur la console. Bah la putain de ta mère, va! Je viens de commencer, je me suis fait buter. Là il est tout seul hein, chez lui, tranquille. Comment tu vois tes adversaires là? Putain de ta mère, fils de. Ah là. Ce qui est quand même dingue, c'est que l'écran et la console ne répondent pas hein. Ah, ouais. J'en ai tué un. Ah, c'est bien Momo. Il en a tué un, c'est bien Momo. Putain de ta mère. Non mais en gros elle a dit elle s'était fait il m'a bavé dessus. Ouais là Momo il a fait un truc mais monstrueux. Non non mais moi attends, moi si un jour je prends l'avion au dessus, moi je demande au pilote de détourner hein. Attends mais ça me fait flipper là. Ils vont voir que t'es un terroriste après si tu te détends. Petite blague de Momo. Hop là. Merci Momo. Non mais pour les Lensois, il y a un nouvel attaquant, c'est Maoulida, le joueur d'Auxerre. Bon il a craqué, il s'est cassé à Lens quoi. Oui. Voilà, non, mais voilà. Non mais Momo en fait a essayé de faire une vanne qui, comme vous avez pu l'entendre, est tombé quelque peu à plat. Non mais hier je suis montée en voiture avec Momo. J'ai eu peur. Il croyait qu'il y avait un monstre. Non mais non mais attends, c'est hallucinant. Hein. C'est d'ailleurs qu'il était dans un break, ouais. Mais il y avait ses genoux qui conduisaient le volant. C'est ouais. Dangereux ça. Non mais, non, mais il peut pas. Il est plié, il était plié en quatre. Non mais tu sais Momo que tu peux reculer le siège. J'ai monté le volant. Non mais attends, il est à fond et j'ai monté le volant. Attends, aussi. Il a reculé. Momo qui a eu son permis donc c'est un peu voilà. Momo il est sur la banquette arrière pour se suivre. Dans le coffre. Voilà, c'était Momo. On le retrouvera évidemment tout au long de cette soirée. Momo en tant que grand conducteur de véhicule. Ah ouais, un sacré pilote. Ah bah, moi je sais que des soirs qu'on partait après l'émission, j'étais derrière lui, mais il roulait lentement. C'est 40 km/h au maximum. Non, mais là c'est pas 40, c'est-à-dire qu'à pied t'allais plus vite. À 40 sur le pont. Nous là pour partir c'est des rues piétonnes et donc bon, il faisait attention. Mais là c'était plus qu'attention. Tu sais, je le klaxonnais, il devait les voir. Oh, tout se fait. Non mais attends, nous on est monté des milliers de fois en voiture avec Samy, avec Momo. Déjà il roule à 20 à l'heure et en plus dans sa voiture, mais laisse tomber, il fallait qu'il range pendant 20 minutes avant qu'il puisse monter quoi. C'était un bordel. Il y avait des sandwichs, des coussins. Mais oui. Il avait des réserves, son pique-nique. Ah ben on pouvait dormir dans sa caisse, hein, c'est ça clair. C'est clair. Voilà, et Romano, heureusement que tu étais là quand tu as quand même appris à Momo qui pouvait reculer le siège. Ouais. S'asseoir sur la banquette arrière. Ou alors carrément s'asseoir sur la banquette arrière. Ouais, c'est ça. Les célèbres nouvelles foutes de Momo avec toujours une petite blague à l'intérieur et une nouvelle fosse dedans qui est toujours super. Petite blague petite blague bien placée mais foirée en général. Et puis Momo et Snoop, il aimait bien Snoop. On écoutera Snoop Dogg tout à l'heure. Et Snoop aimait bien Momo aussi. Bah aussi grand. Hein. Vous avez entendu, c'est vrai. Qu'ils avaient des en largeur pas pareil. Non, en largeur pas pareil. Au niveau de du tirage de la cheminée, c'est pas non plus. Momo ne fumait pas, non mais donc et donc merci aux supporters du PSG, merci à tous ceux qui ont bossé sur qui ont bossé pour ce bel hommage. Et encore une fois merci à Serge Aurier parce que c'est un des seuls footballeurs en tout cas qui lui a rendu hommage. Non, il y a eu Roten, il y a toute l'équipe actuelle quoi. Toute l'équipe. Il y a le club aussi. Le club du PSG aussi. Tiens, il y a Nicolas Batum, bon c'est en basket qui a laissé un petit message aussi. Ouais, Boukaré, au téléphone. Bouka qui est un joueur de foot qui joue à Bergame en Italie. Ouais. À l'Atalanta en Italie qui a pensé à lui aussi. C'est vrai que ça fait plaisir. On va pas citer toutes les personnalités connues qui lui ont laissé des messages. Bah, surtout vous tous. Hein. Si, il aimait beaucoup la section, il aimait bien les psychiatres, il aimait bien la section. On salue Black M et la section d'assaut. Black M qui était choqué. Black M qui a laissé un beau message. Et c'est un message pour nous tous. Hein. Pour nous tous, quand je dis nous, enfin, vraiment tout le monde. Toute la famille. Restez près de vos proches tant qu'ils sont là. C'est le message de Black M. Et c'est tellement vrai, ça. Restez près de vos proches tant qu'ils sont là. Mais les messages des Marseillais aussi, qui sont là, qui y pensent. On a parlé de Ben Gousse tout à l'heure. Grave. Mais il y a aussi vous tous et vous toutes là, qui nous écrivez de Marseille. Je veux le message des Marseillais aussi. Je remercie tous mes potes de Marseille. On mettra même un petit message pour lui au prochain match de Marseille. C'est vrai. Ouais, ce qu'ils ont dit. Ouais. Cool, ça, les gars. Aïe, aïe, aïe. Non, mais non. aïe. On a la même passion. Désolé, Momo. Hein, là, j'y suis pour rien. Mais il t'aime aussi à Marseille. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Lui-même, il sait, on partage les mêmes valeurs. Voilà. Il est déjà venu au Vélodrome. Bien sûr. Ouais. Et il est déjà venu au Vélodrome. Ah bah oui, il aimait bien. Dans la tradition, le petit saut de pisse. Sac de pisse. La tradition à l'US. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, quelle est cette histoire de saut de pisse? En fait, Samy nous avait expliqué quand ils accueillaient les supporters c'est parisiens. Tradition. Pour bien les accueillir, un petit comité d'accueil sympa. Voilà, normal. Les Marseillais savent toujours bien recevoir. Ah ben, ils pissaient dans des sacs. Dans des sacs plastiques, ouais. Dans des sacs plastiques. Et ils balançaient ça sur la gueule des supporters parisiens. Ils étaient contents. C'est sympa. Et bon, moi, redemandait. Encore les gars. Je dois dire que quand nous on allait là-bas, tous les ans il y allait. Hein. Ah, vous avez bien reçu les Marseillais à Paris. Également. Bon, le plus dur c'était pour nous le lundi, hein, parce que quand Oui. Et tu restes du week-end, ouais. C'est comme on dit les risques du métier. Hein. C'est ça. Marcel est au téléphone avec nous. Bonjour Marcel. Bonjour. Salut à toi Marcel. Salut Marcel. Bienvenue. Salut. Bienvenue à toi. Merci pour ton coup de fil. C'est gentil. Bah de rien, écoutez, c'est normal. Hein. Tu voulais nous dire quoi sur Momo? Parce que toi, t'as un souvenir par rapport à lui, parce que t'avais appelé dans l'émission et c'est Momo qui t'avait répondu. Hein. Oui, il y a quelques années de ça, et donc il m'avait un peu clashé sur mon prénom. Hein. Oh, tu t'appelles donc, Marcel. Moi, c'est Maurice. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il avait dit une fois. Je sais même que lorsque il m'avait pris avant de passer à l'antenne, il m'a dit on va changer ton nom parce que franchement tu vas te faire clasher dans tous les temps. Ah non mais c'est gentil. Non mais quelque part c'est gentil de sa part. Oui. Il nous connaît. Forcément ouais, tu serais arrivé à l'antenne ouais Marcel, bon forcément ça peut surprendre. Oui, c'est vrai qu'il me connaît bien oui. Et donc il m'avait donné comme surnom Seb. Et depuis quand j'ai su ça ce matin par rapport à Momo, j'ai dit je suis obligé, il faut que j'appelle ce soir pour pouvoir faire au moins une petite dédicace déjà à toute l'équipe. Merci à toi. Restez fort comme vous êtes toujours. Et aussi une grosse pensée à toute sa famille, puis à lui qui est là-haut maintenant. Bah merci Marcel, Seb. Mais tu sais qu'il avait raison hein, parce que bon tu arrives avec non mais c'est clair que ça nous aurait fait 2-3 minutes on aurait rigolé mais là c'est ton vrai prénom en fait. Oui, Marcel, c'est mon vrai prénom. Arrête, Romano. On va t'appeler Seb. Viens, Romano, il avait raison. On va t'appeler Seb. Merci, Marcel. Bah de rien, écoute, c'est normal. Mon bon Marcel. Salut. Bisous, Marcel, merci. Donc on saura que Marcel et Seb. Et bon courage. Je n'ai pas aspiré mon nom avec mon nez. Ça aussi, ça leur a fait beaucoup rire. Parce qu'il, parce qu'il aimait beaucoup. Il aimait bien. Se foutre de la gueule du monde, c'est une chambre à joue. On parlera d'ailleurs du traquage entre Momo et Cédric. Des petites étincelles entre les deux. C'était magnifique. Les deux du 9-3. À peine. En gros, Momo, pour vous expliquer par rapport à Cédric, puisqu'il aimait bien. Tu vois, t'es pas le seul à t'être fait chambrer, Marcel. Il aimait bien prendre des photos de Cédric, mais il choisissait toujours la plus moche. Ah, c'est clair. Ce qui mettait Cédric à bout de nerfs. Voilà. Lui, ça le faisait marrer, mais un truc de ouf. Et lui, il était mort de rire. Il avait un bouton, il arrivait avec le truc, c'est de gueuler. Elle était dedans, elle est bien, celle-là. Ouais, moi, j'aime bien. Non, sa phrase était ouais, moi, j'aime bien. Elle est bien. Je trouve bien la photo. Et Cédric était là. Oh là, tu pèses ça sur le net, attention. Attention. Embrouille. Je vais te mettre une voile. Embrouille. Je vais te mettre une voile et embrouille, ça va mal se passer. C'est exactement ça. Voilà, c'était comme ça. Bon, Cédric, allez, avec les supporters du PSG en bas, on en reparlera avec lui tout à l'heure. Et puis merci Marcel Seb. Salut. De rien, salut y a à toi. Et on, salut. Et on compte sur vous, allez-y, hein, vos messages, vos coups de fil, vous passez en direct dans l'émission, c'est votre émission. C'est comme ça d'ailleurs que Momo, je le disais en début d'émission, c'est comme ça qu'il était rentré dans l'émission. Il est passé une fois, comme Marcel, comme Kitam, comme vous, qui passez tous les soirs dans la radio libre pour défendre son PSG. Pour parler de vos passions. Lui, c'était pour défendre son PSG. Ouais, les couleurs. Ouais, c'était le PSG qui était un petit peu plus en difficulté à l'époque. Il a eu des moments difficiles, Momo, en supportant son équipe. Il était là même avant que les Qataris arrivent, c'est pour vous dire. Ah ouais, et c'était pas facile. Dans la merde, ouais. C'était pas facile de supporter le PSG. Mais il avait aussi une passion pour la Tour Eiffel, ça il a eu pendant un moment. C'était l'emblème. Alors raconte-nous l'histoire de la Tour Eiffel, Romano, parce que Momo connaissait la date de naissance de la Tour Eiffel. Alors Momo, je sais plus. Qui est sur le logo du PSG. Ouais, bon, ça avait dû partir de là. Momo devait encore nous parler de Paris. Ouais, nous prendre la tête. Logo. Non, logo avec la Tour Eiffel. Je le traquais parce qu'il y avait un landau sur le logo du PSG. Ouais. Et lui, t'as dit, mais il y a la Tour Eiffel aussi. Il y a la Tour Eiffel. Et là, Momo, un jour, il sort comme ça. Et la Tour Eiffel, vous savez qu'elle a 120 ans. Alors là, ma réponse était, je me rappelle encore comme si c'était hier. Hein, moi, c'était c'est super. Bon, dis donc. Voilà. Et elle est super, ton info. Et après, mais genre, ça a duré au moins pendant toute l'année des 120 ans de la Tour Eiffel. Ça a duré, je sais pas, il nous le répétait continuellement. La Tour Eiffel, elle a 120 ans. Vous savez. Il y a un landau en dessous. Ouais, tu sais, tu lui disais, salut Momo, salut l'équipe, ça va Momo? Ouais, ça va, la Tour Eiffel a 120 ans. Super Momo. Elle bloque. Merci à toi, Momo. Donc voilà, c'était Momo et la Tour Eiffel. Momo devant sa console. Vous êtes peut-être des gamers. Ça. Qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets Momo devant sa console ou Momo devant la télé? On va faire la console. Allez, vas-y. Alors, on a enregistré donc un soir après l'émission. Il regardait un match. C'était un match de basket. Ah non, c'était la console. Il jouait un jeu de foot. Un jeu de foot, ouais. Un jeu de foot. Parce qu'on a souvent mis des micros cachés. Non, c'est même pas. C'était Call of Duty, ouais. Ouais, c'était Call of Duty. Guerre. Parce qu'il arrêtait pas de se faire dégommer direct. Alors, on met Call of alors. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Call of, le jeu de guerre. Il perdait tout le temps. Non, ça, il n'était pas doué, ouais. Ah, non, pour ça, il meilleur à FIFA. Ouais, Ça c'est sûr. Écoutez bien, voici donc Momo devant sa console et c'est un spectacle. Bon, je voulais vous faire écouter puisqu'on parlait des gens bizarres, parce qu'on est retrouvé, on est retombé sur nos archives. Écoutez bien, c'est Momo. Ah ouais, Momo. Alors un des grands Momo dans un état, mais un des grands fans de jeux vidéo, de matchs de foot. Et là, il faisait quoi déjà? Là, il jouait à la console. Ouais. Il jouait à la console. C'était quoi comme jeu? Call of Duty. Il arrive. À Call of Duty. Vous avez déjà fait écouter Momo en train de regarder un match de foot qui insultait la télé et les joueurs du PSG. Voici maintenant Momo qui joue à Call of Duty sur la console. Pour tous ceux qui se disent, je suis un petit peu bizarre, je parle tout seul, je parle à mes habits, je me dis que je suis trop belle dans ma... Momo, non, tu n'es pas normal. Écoutez, Momo, tout le monde va se trouver normal après ça. Bah, la putain de ta mère, va. Je viens de commencer, je me suis fait buter. Oh là là. Putain de ta mère. Là, il est tout seul, hein, chez lui, tranquille. Bon. Moi, j'y vais à la bourre, hein. Allez, j'y vais, allez, vas-y, c'est bien, Momo. Comment tu vois tes adversaires, là? Putain de ta mère, fils de... Ah là, ce qui est quand même dingue, c'est que l'écran et la console ne répondent pas. Hein. Ouais. Parle à la console. Pose des questions et elle ne répond pas, la saloperie. Je sais pas jouer, c'est horrible. Et non, ça ne sait pas jouer, c'est horrible. C'est horrible, bidon, Momo. C'est vrai. Ah, putain de ta mère, prends ça dans la gueule. Voilà. Prends ça dans la gueule, débile. Ah, c'est clair. Et là... J'en ai tué un. Ah, c'est bien, Momo. Il en a tué un, c'est bien, Momo. Putain de ta mère. Ouais, il fait comment ça. Comment ça, je t'ai pas tué? Ah non, bah tu l'as pas tué, Momo. Ah non, Momo. Et Momo, parce, là, il est en mode teubé, il ne comprend rien. Parce que t'es nul, Momo. Ah là là. Il joue mal, c'est pour ça, nous dit le Parisien, là, c'est ça. Je suis une merde, c'est vrai. Ah bah ouais. Bah évite de taper dans l'écran quand même, parce que ça ne sert à rien, tu sais. Ouais, puis c'est pas à toi la télé aussi. Non. Ouais, ça serait bien de la laisser en état, oui. Mais la putain de ta mère va. Oh putain de ta mère va. Ça, c'est ton truc, putain de ta mère, c'est un peu ton. Et pas, c'est pas fils de pute, c'est fils de. Fils de. Parce que Momo, il dit putain de ta mère, mais il est poli, il dit pas fils de. Ah non, non, il dit putain fils de. Non, parce qu'il a oublié le mot. Ouais. C'est fils de. Fils de quoi, de quoi, quoi. C'est bien, Momo était quelqu'un quand même de très, très, très. Distingué poli. quand il jouait un peu comme nous tous, hein. Quand il jouait à la console, mais lui il arrive à se retenir. Hein. Ah ouais. Fils de. Oui. Non mais fils de. Ah, attends, c'est quoi le mot après? Le mot c'était. Voilà. Il disait pas. C'est ce que tu veux, Momo, mais c'est bien élevé le Momo. Ah, ouais, bah, il sait se tenir. Voilà, Momo devant sa console. Un jour, Momo m'a fait délirer quand un jour il nous a dit qu'il se faisait appeler Maurice. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais. Ah, Momo et ses célèbres histoires d'amour. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Il avait eu un problème avec le papa d'une copine à lui. Ouais, qui était un peu fermé, manifestement. Qui était un peu fermé. Donc, Mohamed, c'était trop pour le papa. Oui, un peu dans quel état était le papa. Oui, donc, il fait, moi je m'appelle Maurice. Voilà. Ouais, c'est, ça, ça se voyait en plus. C'est Momo, Momo Maurice. Voilà, c'était Momo Maurice. Maurice. Voilà, Angui Dumont, on t'embrasse, reste in peace Momo, Alaï, comment on dit Alaï Rahmo. Ça veut dire paix à son âme. Ah, il y en a qui se souviennent des cris de Momo. Ah, vous vous souvenez des cris de Momo. J'arrive. Ah, bah le célèbre. Ah oui. Ça va nous manquer, oui, ça. Ah ouais, c'est clair. Momo, les résultats du clash. Moi, ce qui me manque, c'est quand j'arrive et parce qu'il m'appelait la grosse et il gueulait la grosse dans les couleurs de terre. Je suis arrivé, je me suis dit putain, ça va me manquer ça quand même. Oui, on peut le faire, Marie, si tu veux. Hein. Non, ça va, merci. T'as pas la voix de Momo, de toute façon. Non, non. Je l'ai dans ma tête. Ça va. Bon, on vous retrouve direct. Vous avez des souvenirs de l'émission, même si vous n'avez pas rencontré Momo, comme on était ensemble tous les soirs, ça vous. Bah forcément vous avez partagé des trucs avec une amoureuse de Momo. Avec nous. Bonjour à Lulu Barbara qui me dit oui, moi Momo j'en ai été amoureuse pendant des années. Oh. Et ouais, peut-être jusqu'au moment où tu l'as peut-être aperçu. Oh non, enfoiré. À déguiser en PSG avec son écharpe et son tambour et la braguette ouverte. Et la braguette toujours. Ah, la braguette ouverte. Ah ben ça je le prévenais, je lui dis un jour ou l'autre tu vas avoir des soucis Momo à te traballer la braguette ouverte. Gros respect aux ultras. Merci aux ultras qui sont passés tout à l'heure. Un bel hommage. Ouais, vraiment bel hommage. Voilà, on nous dit qu'on lui rendra un bel hommage au parc aussi, ça lui aurait fait tellement plaisir ça. Bon, merci pour tout ça. Bon alors on se prépare, j'ai dit Snoop, on se prépare le clash parce que tu t'es battu contre Momo. Eh ben ouais. On va appeler de Momo et Snoop. Écoutez, Snoop qui traquait Momo. Momo était catcher. Ouais. Film de boule. Look at Momo. Momo is a catcher. Momo. Big Momo now. Big Momo. Big Momo now. Momo. Momo. Merci beaucoup Snoop. Thank you very much. Thank you. Voilà, et c'est pas fini. Montmartre. L'album le 7 décembre, il sort l'album le 7 décembre. Wednesday. On fera découvrir l'album sur Sky d'ailleurs. Wednesday your concert and we'll promise as soon as the album's out we're going to play it. Bring her to the concert Wednesday. I want her to come. Marie, t'oublies pas de venir au concert. Wow, hein. Marie. Mais Marie, c'est un peu la folie ce soir. OK. Thank you very much Snoop. Bring big Momo too. Et on amène le Momo. Gros Momo, tu feras un combat de catch au début du concert. Hein, invité au combat de catch par Snoop Dogg. On va écouter Snoop Dogg sur Skyrock. Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez rencontré, Romano? Toi, t'étais dans l'émission. Ah bah ouais, moi aussi. Marie, ça. Momo. Snoop, oui. Non, mais j'ai un peu sauté le truc. Bah, on l'avait au téléphone déjà. Bah non, moi, Momo, je l'ai connu au téléphone. Hein. Tu l'as connu au téléphone. Bah, on l'a tous connu au téléphone quand il était chez lui. Il avait sa voix de pyjama, il avait une voix de tout petit. Ah ouais, mais il était quand même grosse. Hein. Bonjour. Il avait une grosse voix pour un petit. Ah ouais, putain, c'est hallucinant. Et puis, quand on l'a vu, on s'est dit, oh putain, le morceau. Ah ouais. Ah bah ça, oui. Et t'es impressionné. Moi, il me faisait un peu peur au début quand on arrive au cachet. Bah, c'est qu'on avait les deux extrêmes quand même. Hein. Romano 1m54, Momo 2m. Donc c'est vrai que les deux à côté l'un de l'autre. Il y a une photo d'ailleurs qui est super. C'est quand t'essayes de soulever Momo. Elle est sur les réseaux, je l'ai vu tout à l'heure. On l'a mis sur le blog. Ah, t'as essayé quand même. Ouais, non, et puis il y a une fois aussi. Rappelle pas Marie. Il était là juste derrière moi, derrière Samy. Impossible donc, à soulever. T'as Romano qui est musclé, on le sait quand même. Ah, bah, oui. Évidemment, bah, quand même. Tu prends Momo aux fesses parce qu'à la taille c'est trop haut. Ouais, et puis tu pouvais pas faire le tour. Non, bah ouais, je galérais déjà. Avec tes petits bras, tu prends Momo, il disait de soulever, et il y arrive pas. Non, parce que moi je me souviens aussi, un jour on avait fait le test, alors je ne sais plus pourquoi, mais je m'en souviens. Momo s'était couché sur moi. Oui, allongé sur terre. J'ai cru qu'on allait te perdre, hein, Romano. On t'oublie plus, aussi. D'ailleurs. Ouais, non, mais d'ailleurs, je sais pas d'où ça venait, cette idée à la con. Ouais, je sais pas. Je crois que c'était moi, mais. Ah, c'est possible. Donc, je me suis allongé, Momo, il fait attends, je me couche sur toi. Voilà. Et là, tu crèves. Ah non, mais j'ai cru que j'allais pas me relever. Mais enfin, grand mec avec une gueule d'amour, quoi. C'est un petit regard d'amour. Et donc, oui, donc on a vécu plein de moments, plein de bons moments. Ça me rappelle ce soir, mais on les oubliera pas, hein, tous ces moments-là. Non. Faudrait écouter les vœux aussi, les vœux de la tu bonne année. Tu te rappelles pas une fois, Romano, gros, tu sais, vous vous battiez, mais en mode rigolade. Tu sais, toi, tu le tapais fort parce que lui, tu sais, il va te mettre une claque, tu vas dormir. Hey, t'as à peine poussé, gros. T'as claqué les murs, mais partout. Ah oui, un bon il est venu, t'as dit pardon, j'ai pas fait exprès. Je sais, tu ne contrôles pas ta force. Ah bah non, oui, ça c'est. Il avait claqué les murs, gros. Et toi, tu lui tapais dessus, mais il semblait qu'ils en. Non, mais on chahutait. Et tu sais, il me disait, top, vas-y. Tu sais, et puis il était content parce que moi, je tapais, mais il sentait rien. Et à un moment donné, il fait un mois. Et là, ouais, deux, trois fois, il l'a fait. Ouais, je dis, Momo, fais plus doucement. Moi, je suis tout petit. Ah oui, c'est vrai que tu es tout petit, oui. Ah, Cédric, t'es de retour. T'es en bas avec les supporters. En bas avec les supporters, ouais. Bon, parce qu'ils vont continuer à chanter pour Momo. Puis surtout, il y a sa maman qui va venir. Bon, on fait une grosse bise. Elle a entendu la radio et elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde, donc elle voulait venir. On parlait d'un truc pendant que t'étais en bas avec les supporters. Tu te rappelles des très belles photos qu'ils prenaient de toi? Ah putain. Ah, c'était le champion de la photo floue ou de la photo où j'avais l'air. Non, les meilleurs, Cédric, ne dis pas ça. De con. Les photos floues, c'est vrai que c'était une de ses spécialités. Non, les photos, il arrivait quand même à faire les yeux rouges avec un appareil photo numérique. C'est exceptionnel. C'était la Momo Touch. Ah, ça, c'était phénoménal. Le truc le plus fort, c'était quand même les très belles photos qu'ils prenaient de toi. Ils prenaient toujours les plus moches. Et ça le faisait beaucoup rire. Ah, ça mettait. Ah ouais, putain. Et toi, ça te mettait comment à bout? Ah, moi, ça mettait à bout de nerfs, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'il était zard. Il était là, mais calme-toi, Cédric, c'est pas grave. C'est oh là, je vais lui mettre une voile. Mais je suis sûr, les prises de tête qu'on a eues là-dessus. Mais le pire, c'est qu'il disait qu'il faisait pas exprès, que genre c'était l'appareil qui déconnait. Non, mais comme disait Karim, il regardait la photo, il disait ouais, moi j'aime bien. Et nous, regardait ça et on rigolait. En plus, moi après, il venait voir, il fait bah elle est bien la photo. Moi aussi. Pour le chauffer, je disais bah elle est grave, alors la photo, elle est super. Par contre, la gueule de Cédric, elle est horrible. Ouais, bah ça en même temps, oui, il est passé pas Photoshop. Alors c'était ça ou alors les problèmes d'orthographe sur les tweets et tout ça. Il venait nous. Écrit, ça. Il venait me voir, il me disait. Attends, on demande à Marie. C'est qu'on s'est même pris la tête pour ça, moi et lui. Hein. Oui. Momo, arrête. Vérifie. Bah du coup, il venait me voir. Après, non, mais c'est vrai que des fois sur le blog, des fois en une phrase, il y avait quatre fautes, quoi. En un mot. C'était assez incroyable, quoi. Ou alors, et puis après, t'avais les phrases qui ne voulaient rien dire. Aussi. Tu as essayé de faire un truc super bien, mais en fait, ça voulait rien dire. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Des virgules, des trucs. Ah bah oui, ça, voilà. C'était aussi pour ça. C'est notre Momo. C'était aussi pour ça qu'on aime Momo, oui. Exactement. Bon, allez, on va se faire Snoop et Wiz, parce qu'il aime bien aussi Wiz Khalifa, les deux d'ailleurs. On a une très belle photo sur les réseaux de Skyrock, vous pouvez les mater, une photo de Wiz Khalifa et de. Il a les cheveux bleus, genre là, Louis, si je me souviens. Violet. Ouais. Même il a une photo avec Eminem, alors, je sais pas si vous avez vu, parce que tout à l'heure on m'a fait la réflexion. Momo, c'est le seul mec qui a une photo avec Eminem, il le prend par le cou. Ah ouais, il le tient, il dirait qu'il va l'étrangler. Il c'est le seul mec. Sur les réseaux, j'ai pas vu celle-ci. Si, c'est le seul mec en fait qui attrape Eminem comme ça, on dirait qu'il va l'étrangler. On dirait genre c'est son pote grave, quoi. Nous, on n'avait pas touché Eminem, c'est genre il fallait être proche d'Eminem, mais genre sans plus. Viens par là. Si on fait une photo. Voilà. Ah ouais, Eminem. Il l'a strangulé. Ah ouais, Momo, putain. On se mettra un Eminem aussi tout à l'heure. Voilà, on passe des sons qui nous rappellent de bons souvenirs. Tiens, mais vous savez que moi, je me souviens pas la première fois que j'ai vu Momo. Je me souviens la première fois quand on l'a eu à l'antenne, quand il est passé dans l'émission. La première fois que j'ai vu, j'arrive pas à me souvenir. Ah, si, c'est tel. Ça moi, longtemps. Je m'en souviens. Son survêt tout le temps bleu et blanc du PSG. Ouais, était ça, ouais, c'est vrai, tout le temps. Avec même le soir. Son appareil dentaire. Ah, il voulait jamais l'enlever. Jamais. Non, mais il l'a gardé combien de temps? Il y avait que les bagues, mais il n'y avait pas le fil en fait. Jusqu'à 20 piges, il avait. Oui. Et je me souviens aussi quand Cédric est arrivé avec un appareil dentaire et que Momo n'avait plus son appareil dentaire. Il avait bien raison, tiens. Tu l'as fait rigoler, Cédric. Je sais. Ah oui, c'est clair. Fredo, halluciné. Tu te souviens de la première fois que tu as vu Momo? Moi, je me souviens pas de la première fois que j'ai vu Momo. C'est ouf. Je me souviens quand il est passé à l'antenne la première fois. Toi, tu te souviens? Ouais, il mangeait une harira dans le bureau à côté. Ah oui, alors Momo était spécialiste pour manger des trucs qui puent. Hein. Non, mais c'est hyper bon, c'était sa mère qui nous le faisait. C'est sa mère qui lui a fait, gros. Ah non, oui, ouais. Bon, alors là, on va dire que c'était un truc bon. Mais écoute, l'odeur du grec, quand tu arrives à la radio à 21h et que tu vas démarrer l'émission, ça c'était Momo. Non, ouais, des fois, il mangeait des trucs dangereux quand même. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que Cédric et Momo, vous avez des trucs à la crevette. Des fois, il lui sorti des trucs à la crevette. Oui. Momo, c'était spécialiste, il avait même mangé dans sa voiture. Vous mangez ensemble tous les deux? Ah non, même pas. Monsieur Chang, non? Non, mais une fois, j'ai pris la voiture avec lui dans sa voiture. voiture, il y avait de la bouffe, mais partout. Dans la boîte à gants, au cas où il y a. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. Oh, bah, je l'ai mangé. Bah, Cédric s'est servi. Comme quoi, tu vois, c'était bien pratique. Oui, mon Fredo. Non, non, c'est. Moi, Fredo, le. Les couscous de sa maman, surtout. Ah ouais, rappeur. Ah, les couscous de maman Momo, quoi. Ah oui, on s'en souvient des couscous. Alors, ça. Trop mignon. La première fois que tu as vu Momo. Tout le monde. Et ben non, première fois, je pourrais pas te dire. Après, évidemment, Momo, c'est moi, c'est voir cette grande carcasse et chaque fois, je la paie quand il est à la bourre. Maman, merde. Ouais, j'arrive. Hey, dépêche-toi. En marchant lentement. Ouais, c'est le grand corps à déplacer. J'arrive. Donc, ouais, non, mais la toute première fois, non, je me souviens pas vraiment. Mais je me souviens, c'est vrai, ouais, Momo Sakomano surtout. Oui, ouais. Dans la radio libre. C'est le moment à l'antenne de Radio Libre. Ah, mais il hurlait, oui. Il devenait fou. Ah, il devenait dingue. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Le meilleur de Momo jusqu'à minuit. Momo qui nous quittait il y a une semaine, hein, tout pile. C'était juste après la finale de la Coupe de la Ligue entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Jusqu'à minuit, donc vous avez été des milliers, des dizaines de milliers à lui rendre hommage tout au long de la semaine, encore cet après-midi du côté du Parc des Princes où il y avait du monde réuni au parc pour rendre un nouvel hommage à notre Momo. On lui rend hommage encore en ce dimanche. Donc, l'émission hommage de lundi soir jusqu'à minuit. On va retrouver également l'hommage d'Issa Doumbia dans Touche pas à mon poste. D'ici à la fin de l'émission aussi, Fababy, il était passé dans la radio libre. Il avait raconté qu'il était en troisième. Il était au collège avec Momo. Il avait sorti quelques dossiers. Donc voilà, tout ça à retrouver juste après Snoop Dogg, qu'on écoute tout de suite. Snoop Dogg et Wiz Khalifa avec Young, Wild and Free sur Skyrock. On est là tous ensemble et on rend hommage à Momo ce soir avec vous tous, ouais. Vous toutes de toute la France. Merci à vous d'être merci là. Merci encore pour tous les messages. Ouais. Merci pour tous les messages. Et on reparlait de ce qui s'est passé tout à l'heure dans les rues, enfin dans la rue Greneta, la rue de Skyrock, qui accueillait Momo tous les jours. Parce que même quand il était en vacances, Momo il venait à la rue. Ah ouais, tout le temps. Je disais, mais repose-toi, Momo. Ça va. Très belle photo d'ailleurs, tiens, c'est pas qui nous a envoyé ça, très belle photo de Momo et de Pharrell Williams. Bah, c'était sa deuxième maison ici. Hein. Oui. Donc voilà, tous ces messages qui défilent depuis tout à l'heure, les photos que vous nous envoyez et qu'on vous mettra, on vous mettra tout ça sur. Sur le difool.skyrock.com. C'est qui lui avait fait manger du porc à Momo? Il est parti se faire vomir ou je sais plus. Non, c'était pas vrai. Non, mais il y avait Guérou, il y avait ton porc là, il lui courait derrière, il courait, Momo, il voulait pas le voir. Quelques petites anecdotes juste après Maxime, Samy vous racontera la blague au porc mais sans porc. Ah bah oui. Romano nous racontera l'adoption de son porc Guirou. Oui, pas Cédric. Hein. Non, c'est pas adopté avant lui. C'est pas ton porc domestique, c'est ton porc sauvage que tu avais adopté dans l'émission. Ah, il était trop mignon lui aussi. Il était mignon. Même Momo s'était fait. Mais bon, il restait quand même vachement à distance. Non, mais il voulait pas le toucher. Donc il courait en fait dans les coins. Ouais, c'est ça, Guirou, parce qu'en fait. Les aventures de Momo et des porcs dans le. Je me souviens plus. Il y avait un autre. En fait, je sais plus. Je rêvais d'avoir un cochon. Avoir un cochon à la maison. Donc tu l'avais demandé parce qu'il y a hors de question que tu l'achètes. Hein, j'avais demandé. T'étais radin. Tu avais donc demandé aux auditeurs. Et j'aimerais bien un porc. Un auditeur du monde nous appelle. Il n'a pas manqué. Nous dit mes parents font de la rillette. Donc on a des porcs. Normal. Donc vous voulez que le porc que j'ai à côté de moi finisse en rillette ou alors vous voulez récupérer? Là, Romano, dans un élan de générosité très très connu. Hein, c'est quand même ta spécialité. Vas-y, amène-le moi comme ça. Je crois qu'on n'avait plus trop de nouvelles. Et un jour le gars arrive avec le porc en bas, quoi. Il y a un mec avec un porc. Je lui dis, Momo, mais je veux pas l'approcher. Je fais, mais non, mais tiens, je fais, Momo, dans Paris, ça m'étonnerait qu'il y ait un porc. À part Cédric. Bien sûr. Et il me fait, si, il y a un porc. Je lui fais, mais il y a un porc. Et effectivement, l'auditeur avait amené un porc dans une petite boîte. Le porc a été nommé Guirou et on l'avait lâché pendant l'émission. Et Momo. Il était à l'autre bout de la radio. Ouais, ça, Non, je veux pas. Ah, il voulait pas. Bon, bah tiens, puisqu'on est sur les porcs, on va y rester juste avant d'accueillir Maxime de Béthune qu'on va prendre avec nous. Samy, ta blague du porc. C'était également la pizza en fait. C'était une pizza, je sais même plus à quoi c'était. Enfin, il y avait un truc marron un peu sur la pizza. Je sais pas, ça devait être de la viande hachée. C'était de la merde. Et en fait, c'est parti d'un délire où on mangeait et on lui a fait croire que c'était. Enfin, on partageait une pizza, je sais plus qu'il y avait. Ouais. Et au moment où il a croqué 2-3 bouts, on lui a fait, putain Momo, tu viens de manger du porc, et on l'a fait croire que c'était du porc, une pizza au chorizo, quoi. Et il est parti il en a gueulé, cavalant aux toilettes se faire vomir et les blagues très fines de Skyrock. On en est quand même les spécialistes. Bah, il y a eu celle aussi avec l'alcool, pareil, dans le genre. Le whisky, ouais. Ah oui, le whisky. Le whisky coca, en fait, c'était du coca. Il y avait un autre truc avec, mais c'était pas du whisky. Et on lui a dit à Momo, tu viens de boire de l'alcool, tu vas être bourré, il est parti pareil, tout craché. Ouais, c'était à l'antenne, ça d'ailleurs, je crois. Oui, c'était en direct. Il y avait rien de mal, il y avait rien dans le truc. Non, jamais. On aimait trop le traquer, Momo. On salue Ibrahim qui nous envoie une très belle photo de Momo qui fait beau gosse là-dessus, main dans la poche. Beau gosse. Ah ouais. Est-ce que la braguette est ouverte? Non, elle avait l'air d'être fermée. Ah, Ibrahim. Et qui est Ibrahim, 18 ans, qui nous envoyait la photo là. Merci au montage. C'est qui nous fait un montage? C'est Mizu qui nous envoie un montage. Momo, Sky, merci à toi. Bon, on a Maxime au téléphone. Allez, on vous prend en direct. On retrouvera le clash de la drague Momo contre Romano là tout à l'heure. Ouais. On avait clashé. Et on retrouvera Momo devant un match également avant minuit, c'est promis. Ouais. Momo devant un match, c'était quand même assez exceptionnel. C'est un match de basket. Quoi. Grand moment. Ouais, match final NBA. On l'a regardé la nuit avec Momo tout le temps. La finale NBA. S'énervait un peu. Oui, un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, et donc tu l'as enregistré. Ouais, bah, en cachette. Salut à toi, Maxime. Salut, équipe. Salut à toi. Merci. Salut, Maxime. Merci d'être là. Toi aussi. Mais... Ah, bah écoute, je suis branché depuis ce matin. Là. C'était important d'être présent comme c'est le cas depuis plus de 15 ans. Ouais, toi, t'as découvert Momo dans l'émission, toi aussi. Ah, vous l'avez tous découvert dans l'émission. Dans l'émission, ouais, avant même qu'il arrive à l'antenne, hein, comme Momo Sacomano. Par téléphone. C'est vrai qu'au début, Sacomano, il avait un pseudo. Ouais. Hein, c'était Momo Sacomano. Voilà. C'est ça. Parce qu'il s'était trouvé un nom de star. Ouais, parce qu'il y avait un œil. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, et Eugène Sacomano est un grand commentateur de football, et on s'est dit, Momo, c'est l'héritier d'Eugène Sacomano, tellement il commente bien les foot, ouais, les matchs de foot, et tellement il parle bien de foot. Ah bah ouais, ça. Ah bah ça lui allait si bien. Oui, Momo Sacomano. Bon, après, c'est devenu Momo de la Radio Libre. Après, il s'est anobli, on a mis une petite particule, le de là, ça fait la classe. Momo de la Radio Libre. Donc toi, tu l'as connu, ouais, donc tu l'as connu il y a 15 ans. Oh, il y a déjà très très longtemps, et je garde un souvenir qui, j'y pense à ça direct ce matin en écoutant la radio, là, à 6h, il y a au moins 4-5 ans, témoignage pour un problème du mois, assez salace. C'est Romano comme d'habitude. Ah, c'est que Momo, en fait, il cachait bien son jeu, mais il aimait beaucoup le problème du mois. Non, mais déjà, il votait toujours pour le 5. Le 5, ouais. Le 5 qui est le problème du mois, anus. Le problème du mois, c'est un rendez-vous qu'on donne tous les jeudis soirs. Et tous les jeudis soirs, on va faire un petit tour sur le net avec des gens qui ont des problèmes. Et oui, on c'est comme ça, sexuel et psychologique. Exactement. On aide ces gens qui sont dans un état assez piteux. Ouais, Momo, il aimait bien. Et puis il disait. Le 5. Le 5 concerne l'anus en général. Ah, mais toujours, toujours. Toujours. Donc, il choisissait le 5. Et donc, toi, tu as un souvenir avec le problème du mois, raconte-nous. Donc voilà, ça concernait justement un mec, je ne sais plus pour quel magazine, expliquait qu'il aimait bien coucher, avoir des relations avec sa copine quand elle avait des odeurs particulières, quand elle revenait de sport ou autre. Oui. Et donc j'avais témoigné parce que voilà, j'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes une de genre salle, et justement, voilà, ça avait été 3-4 minutes derrière. Attends, raconte-nous un petit peu. Ta salle, c'est quoi cette salle là? Et ça voilà, ça avait été l'occasion pour 3-4 minutes après de rire avec Momo justement sur son odeur, en commençant par un vlad Adam à l'entrée du studio. Ah, Momo qui rentre dans le studio, oui, qui défonce la porte. On a changé un paquet de portes. Hein, ça, vlad Adam. J'ai même pété une marche voilà, d'ailleurs. Ça a été un souvenir qui m'est revenu dès ce matin et je tenais à vous appeler voilà pour vous dire que tout le Pas-de-Calais était derrière, tous les auditeurs, hein, sur ça vous n'avez aucun doute à avoir, et que voilà, il y a une voix familière qui va nous manquer énormément. Mais on l'entendra toujours, enfin il sera toujours dans nos têtes, elle résonnera toujours dans Skyrock et voilà, il nous avait dit m'oubliez pas. Jamais, on ne l'oubliera pas, on est tout à fait d'accord. Même si on voulait, on pourrait pas. Hein. Donc voilà, Momo sera toujours avec nous, Emma. Et oui, ta copine alors, elle avait quoi comme odeur? Non, je parlais pas forcément de ma copine. J'ai juste dit que je connaissais des personnes qui étaient dans la même situation, nuance. Et là, j'imagine que nous, on a dit à peu près la même chose quand Momo revient du parc, par exemple, hein, c'est ça? Bah, tout à fait. Puis ça a été 2-3 minutes, de conneries sur ses odeurs et jusqu'à derrière. Action habituelle, hein, mais arrêtez les gars, c'est non, bon. Oui. Attends, il arrivait en sueur aussi avec son truc. Ah non, ouais, c'est clair. Ah, les soirs de match, oui. Ah ouais, c'était terrible. Quand il revenait du match, c'est vrai que c'était des moments assez difficiles. Alors, dans soit content, soit un peu déprime parce qu'ils avaient perdu. Ah non, mais quand le PSG gagnait, il était hystérique. Il arrivait en sautillant. On imaginait le moment qu'il sautille, ça faisait blablabla. Il cassait la porte. Oui, il était drogué. Ouais, bravo. On a cru que c'était Momo Soukouk. Momo n'a jamais rien pris, jamais fumé une cigarette. Jamais rien. Jamais rien. Mais alors là, match du PSG, ça le droguait. Ah bah totalement, ouais, ça passe. On a gagné, super. Ok, bon, du calme. Ouais, c'est juste 3 points. Ouais, c'est vrai, c'est que 3 points. Faut pas s'emballer, les gars. Et puis dès que la porte était fermée, ouais. Ah, il y a eu ça, ouais, aussi, il y a eu la période. Ouais. Quand il commençait à gagner. Faut pas s'emballer, les gars. S'emballer. C'est juste trois passes, c'est seulement un match. Hein. Oui. Et la fin du match est à la 80e. Un match terminé à 80e. C'est ça, ouais, c'était son truc. Ouais, super photo que vous nous envoyez. Merci à Boubacar qui nous envoie une photo de lui et de ses potes en hommage à Momo. Ça fait plaisir. Une photo de Momo avec des lunettes de soleil. Ils sont sur du PSG. Magnifique. J'arrive pas à lire qui nous l'envoie. Merde, c'est celle qui est juste. C'est Soso Sky 31. Merci, Soso Sky. Mais c'est une photo qu'il avait fait ici, ouais. Momo, il posait en lunettes de soleil. Gros bisous à Omar, son meilleur pote qui est là avec nous, et à Julie aussi. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les supporters avec du PSG chantaient pour lui. Ouais, qui a fait le tour de la France avec lui. Dans sa super voiture. Exactement. Donc on le salue, c'est un des meilleurs potes de Momo qui est là avec nous. Et Julie aussi. Ce soir. Bon, je fais écouter Momo devant sa télé. Allez. Alors attention, ça aussi c'était dans l'émission. Mais c'était hors antenne. Juste après l'émission, il est allé faire un petit tour. Il est allé faire un petit tour dans un studio dans lequel il a mis le match de basket. Match de basket et NBA. Ouais, regardez, tranquille. Match de la NBA. Et donc évidemment, l'équipe qui soutient avait des problèmes. Ouais. comme à chaque fois. Ouais, mais c'est en fait Momo. Heureusement que les Qataris ont racheté le PSG. À partir de là, c'était un nouveau démarrage dans sa vie. C'était magnifique. Ça c'était cool. Et donc les équipes de basket qui souhaitaient, bon, avec parfois quelques petits problèmes. Ouais, puis c'était des matchs un peu sous pression, tu vois. Il y avait du suspense, donc. Voici donc Momo devant sa télé, allez. Écoutez bien. Je vais vous faire écouter quelqu'un de l'équipe qui regarde un match de foot. Basket. Un match de basket, oui. Nuit. Qui regarde un match de basket cette nuit. On a mis un micro espion dans la salle télé. C'est le micro caché. La salle télé de Skyrock avec Momo dedans. Écoutez bien. C'est pas Momo moi. Regarde un match de basket à la télé. Ah, il est tout seul. Non. Il est tout seul. Écoutez. Il est tout seul comme un pauvre gars devant sa télé. Aïe, t'as la possession de balle du match. 10 secondes. Oui, on a compris, Momo. 10 secondes. Allez. Non, ça, c'est les vrais supporters qui encouragent. Allez, non. C'est marrant, Momo. Chaque fois qu'il soutient une équipe, il y a toujours des problèmes. C'est fou, ça. Que de déchets. Eh, hey, Momo, il est prêt à devenir commentateur sur France 2. Je vous dis, on va le perdre, Momo. Ah non, mais surtout, il est prêt, il va nous laisser. Il est prêt à être pilier de comptoir. Ah ouais. Ah ou alors pilier de comptoir, s'il est prêt. Tu le mets dans un bar à côté de gros beauf avec le verre de blanc. Momo, il fait pas tâche. Mais moi, je le vois bien remplacer. C'est Lionel Chamou. Ouais, j'allais le dire. Nelson Lanfort. Oui, Momo Chamoulot, pour aller. Je vis le match au moins. Ah bah tu le vis, ça. Momo, il a vibré, Momo. Oh, que de déchets. Sérieux. Voilà. Allez, moi je rentre chez WAM, gros. Tu rentres chez toi, Momo, après le match. Allez, salut. C'est un mec de beau. C'est comme les mecs qui partent des bars, tu sais. Allez, salut, Robert. Je rentre chez moi, là, je suis bourré. Remets le allez, salut. Allez, salut. Putain, Momo, t'as brillé. Le spectacle. C'est qu'il était encore plus drôle en antenne, en fait. Le moment. Ouais. Et le allez. Il arrêtait pas. Allez, salut, Momo. Oh là là, Que de déchets. On se met un son de section d'assaut tout de suite et on vous retrouve en direct. Il y a Guilhem d'ailleurs qui est au téléphone avec nous. On va mettre Paris va bien de section d'assaut. Ah ben voilà. Il adorait la ça section. Plaisir, il adorait Paris. Paris. Et puis il adorait les rappeurs qu'il voyait. On remercie d'ailleurs tous les rappeurs qui nous ont laissé. Ouais, bisous à Bichot, ils sont à l'écoute là aussi. Ouais, on les embrasse. Merci, on les embrasse fort. Aussi, ouais. Sopra, il y a Gradure. Bisous Alonso, Vincenzo, Gradure. Ouais, Gradure. J'ai dit qu'on ne citerait pas de nom parce qu'on va toujours en oublier plein. Donc voilà, mais on vous oublie pas. J'ai la liste, je voulais bonjour. Bon, J'ai la liste ici, Gradure, ouais, qui a laissé un petit message. Ouais, j'ai eu le message. Rest in peace, Momo. Ouais. Avec le petit, je vais dire le petit smiley. C'est pas un smiley, les petits. Émoticônes. Les deux petites mains qui prient. Issa Doumbia aussi qui a laissé un message. Ouais, Mokobé aussi. Ouais, Moko, bien sûr. C'est pour ça que je voulais pas citer. Je voulais pas commencer à citer. Ouais, on va pas s'en sortir. Voilà, si on. Voilà, on ne vous oublie pas, on pense à vous. Je vois Christophe de Chavannes qui a laissé un message. Ouais, de Chavannes aussi, ouais. Et on se posait la question ce matin, mais d'où est-ce qu'il a rencontré. Bah oui, c'est ça. Il a dû écouter l'émission. Ouais, sans doute, ouais. Il y a même Swagman qui a laissé un message. Ah, Swagman. Nico Batum, Nando de Colo, les basketteurs. Il y a Cyprien et Cyprien qui connaissaient Momo. Il y a Squeezie aussi. Squeezie et Cyprien, ouais, ils ont laissé un truc. Les basketteurs aussi qui étaient passés. Nando de Colo, Nico Batum. Batum, l'émission. Bah, il a marqué tout le monde aussi. Et voilà, c'est plein de souvenirs qu'on évoque ce soir. Ah, on nous parle des lotofoot aussi, de la pesée, la célèbre pesée de Momo. Ah oui. Ah ouais, Momo. Ah, il nous en a pété les balances. Ah, ça, on en a racheté. Ouais. C'est que la radio a failli fermer à cause de ça. Ça fait non, déjà, faillite le truc. Hein. Déjà, il faut trouver des balances assez grandes pour ses pieds. Bah ouais, ses pieds à chaque fois ils dépassaient. Là, c'était chaud. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Guilhem, on le prend tout de suite et juste après. Donc, Paille va bien. Ouais. La section d'assaut. Salut, Guilhem. Salut l'équipe. Coucou. Oh Guilhem, tu fais plaisir, tu sais, parce que je vais vous le dire d'ailleurs, tu as 23 ans, c'est pas le problème, oui. Mais tu appelles de Aubagne, et Aubagne c'est dans le 13. Voilà. Eh oui. Juste à côté de Marseille. Oh voilà, enculé de Marseille. Eh oui, c'est à côté de Marseille. Ordure ménagère. Ah oui, c'est bien vu, Romano. Beau souvenir, ordure ménagère. Ça, c'est les blagues. Ça, c'était sa blague qui nous a fait 2-3 ans. Ah, puis non, ce qu'il adorait, c'était quand c'était quelqu'un d'autre qui la faisait. Ah ouais, c'est clair. Genre, moi, je la faisais. Il rigolait derrière. Il était là. Il essaie de se cacher. À chaque fois, quand Paris, là, depuis quelques années, ils battent l'OM tout le temps, le mec, mais tout le temps, il m'appelait pareil. Mais tout le temps pareil. Alors, ami marseillais. Ouais, c'est ça. J'ai dit, Momo, change de disque. Alors, ami marseillais. Bon, allez, je te traque pas trop. J'ai regardé les messages qu'on s'était envoyés, parce que ça fait des souvenirs. J'ai regardé les messages tout à l'heure. Et un message avec le PSG contre Saint-Etienne. Oh, désolé, David. Désolé. Tout le temps. Désolé, vraiment. Évidemment, le PSG avait défoncé Saint-Etienne. C'est sa façon de traquer voilà, à lui. Vraiment. Ouais. Désolé, je sors du match. C'est dur pour toi. C'est bien joué quand même. Ouais, c'est chargé, bien. Ouais. C'est bien, Momo. C'est bien. Il charge tout le temps. Ouais. Alors, Guilhem, ouais, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, Guilhem? Bah, je voulais vous donner beaucoup de force, même ici dans le sud. Voilà, même les supporters de l'OM, il y a beaucoup bien de, sûr. Comme vous avez dit tout à l'heure, Bengus et tout, ils ont tous. Voilà, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ont réagi, des supporters de toute la France, de tous les clubs. Là, il y a plus de guerre entre supporters. Il y a juste Momo qu'on se rappelle comme il est. Et là, il nous écoute. Il est sur Sky en ce moment. Et un gros big up pour vous donner beaucoup de force. Vous nous faites rire quand on va pas bien, tout ça. Et aujourd'hui, c'est un peu votre tour. Donc, c'est à nous de vous donner beaucoup de force. Merci beaucoup. Hein, on en parle depuis tout à l'heure, mais merci pour tous les messages qu'on reçoit, qui défilent. Et c'est vrai que nous aussi, ça nous fait très plaisir, Guilhem. Il n'y a pas de souci, c'est normal l'équipe. Les supporters, c'est vrai que de voir des nombres de messages de supporters de toutes les équipes, et notamment de supporters marseillais, je vous lisais le message de Hugo, mais il y a également Brahim qui nous a envoyé un message tout à l'heure. Il y en a eu plein sur les réseaux. Et puis c'était un bel exemple aussi, parce que c'est vrai que dans l'émission, on est tous différents. Regardez, je parlais des détails tout à l'heure. Non, mais c'est pas vrai, Romano, je parlais des tailles. Oui, ça, c'est vrai que par rapport à moi, il était très très grand. Voilà, par rapport à toi, il était très très très grand même. Tu sais que j'ai mis une photo. C'était un géant, ouais. Je voulais mettre une photo de profil avec Momo, mais j'ai eu un mal de dingue sur Facebook là pour avoir la taille. Ouais, pour cadrer, du coup, j'ai coupé un petit peu nos têtes. Mais j'arrivais pas à rentrer. Pour essayer tellement grand par rapport à moi, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que ça faisait des problèmes. Ah ouais, bah oui, il y a un grand vide entre les deux. Donc il adorait son équipe de foot, il était. Voilà, mais ça l'empêchait pas de. Tu vois, toi, tu lui laisses un message parce que t'avais ressenti ça, ça n'empêchait pas d'être pote de Samy. Bien sûr. Clairement, ouais. Malgré. Il y a le PSG d'ailleurs qui vient de. Sur le site du PSG, ouais. Sur le site du PSG, c'est un homepage. Ouais. Ah oui, tu as le club en deuil avec le logo du PSG en blanc sur fond noir. Le Paris Saint-Germain présente sa condoléance, sa famille aux proches. Je suis que tout le monde se nomme Momo. Voilà. Bah, très bel hommage des supporters tout à l'heure. Il est sur le PSG, il serait content. Hein. Il serait content d'entendre cette émission. Hein. Sur le site du PSG, ouais, direct. Et direct sur le site du PSG. Et oui, là, il nous entend. Ouais, bien sûr. Écoute, voilà. Oui. Merci, Guilhem. Il n'y a pas de souci, merci. Et merci à toi et puis à vous tous. Voilà, tous les auditeurs qui passent à l'antenne sont, j'imagine, un peu vos porte-paroles à vous. On ne peut pas lire tous les messages, qu'on ne peut pas avoir ça. Il y en a, mais. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a encore à vous faire écouter? Plein de choses. Allez, un petit medley avec plein de Momo à l'intérieur. C'est dans un instant. Et puis un son qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il aimait beaucoup la section. Ouais, et la section d'assaut, ouais. Et ben voici la section. Et alors, le morceau qu'on a choisi pour lui, c'est Paris va bien. Voilà. Et c'est tout de suite. Allez, coup de cœur d'Issa. Et ça, là, c'est un vrai coup de cœur un petit peu général de l'équipe, ouais. Mon Issa. Alors, en fait, c'est un coup de cœur, mais aussi un coup dans le cœur. On a perdu... Moi, c'est un ami. Ouais. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que je croisais souvent quand j'allais à Skyrock. C'est Momo. Momo de Skyrock, c'est un grand nounours qui était toujours là dans les studios, toujours serviable, toujours... de bonne humeur, même s'il était très malade. Et du coup... C'est un animateur sur Skyrock. C'est un animateur sur Skyrock. Il y fait partie de la bande de D-Fool. Enfin, exacto. Même de Skyrock en lui-même. Et franchement, c'est quelqu'un que... Je sais pas, il n'y a personne qui... C'est un grand fan, un grand supporter du PSG. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait le détester, ce garçon. Et d'ailleurs, il était fan du PSG. Et il y a eu un truc... Les Supra lui ont rendu un hommage. C'est les Supra, ils sont venus lui rendre hommage devant les studios de Skyrock. Et c'était ouf. Les auditeurs de Skyrock le connaissent sous le nom de Momo. C'était l'un des partenaires fétiches du célèbre D-Fool dans l'émission Radio Libre. C'était un grand supporter du Paris Saint-Germain. Il apportait beaucoup de fougue quand il en parlait. Et il a malheureusement perdu la vie il y a quelques jours, à 31 ans seulement, d'une tumeur au cerveau. Et les fans du PSG lui ont rendu certainement l'un des plus beaux hommages au pied des locaux de Skyrock. Ce sont les ultras, ceux du virage à Auteuil. Eh bien, qui lui ont rendu hommage face à la station de radio. Et on les entend qui scandent son nom. Scander son nom. Voilà, on pense. Bravo aux ultras, en tout cas, bravo. Ils ont rendu un bel hommage. Et on a une grosse pensée, bien sûr, pour toutes les équipes de Skyrock, D-Fool, Romano, tout ça qu'on embrasse fort, qui sont des super et gars, en tout cas, vraiment. Des super aussi. Gars. Et on les embrasse vraiment fort. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de D-Fool sur Skyrock. Et ouais, toute l'équipe, Momo, Marie Romano, oui. Cédric, Karim, on est là. Samy, on est tous là et surtout ouais. Vous tous, vous toutes. Charlot qui nous laisse un message, Edouard, Hakim, Vincent, Vince du 06. Il y a Romain, il y a Bras Droit, Alex. Il y a Tovan Grenoble. Nesvi, Diablotin. Salut Tovan Grenoble. Bonjour à Fonks, bonjour à Mel, Zlatan qui nous laisse un message. Salut Zlatan. Bonjour à Erzat qui vient d'arriver, à Roman, à Jérémy, à Maxou Premier, à Zarzat de Cherbourg, fidèle. Gus également qui est là et merci à moi, qui, voilà, donc tous les messages qui défilent depuis tout à l'heure. Les supports, il se passe quoi devant la radio? Ils sont toujours là, les supporters? Continue de chanter, ouais. Et ils lui rendent toujours un hommage. Ouais. Vas-y, mets le son. Voilà, donc c'est devant les cieux de Skyrock, rue Greneta. Moi, ce qui me fait halluciner, parce que je suis un peu parano parfois, c'est fou la dignité du truc, tout se passe bien. Ça fait une heure et demie qu'ils sont là. Ouais. Et ça aurait fait très plaisir à Momo. C'est clair. Et il chante pour lui devant la radio. Il y a les vidéos, je pense qu'on les a mis sur les réseaux sociaux de Skyrock. Elles arrivent au fur et à mesure. Donc on vous met des photos de Momo, les photos que vous nous envoyez aussi, hein, des photos avec lui, des photos que vous avez récupérées sur les réseaux Skyrock. Et l'IOM, tiens, encore un gars de l'OM qui nous envoie un message. Merci l'artiste, il nous dit. L'artiste, le chanteur qui a laissé un petit message à Momo également. Ouais, ouais. Ritza a laissé un message aussi. Ouais, Ritza, ouais. Tu sais que les supporters sont encore en bas en train de chanter. Ah ouais, ça chante. Ouais. C'est ce qu'on écoute là. Ah ok, autant pour moi. Karine qui n'a pas changé. Hein, ouais. Il comprend toujours rien. Ça fait partie des charmes de l'équipe. Hein. Tu sais, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui s'entendait, gros. C'était assez hallucinant, oui. Oui. Ah ok, mais tu sais que je croyais qu'il y avait moi qui les entendais. Non, c'est la radio. C'est la radio. Skyrock. On n'est pas tout seul là. Skyrock, la radio, Radio Libre, tout ça. Bon. Alors, vous êtes avec nous, tiens, petit souvenir avec plein de moments qu'on a passé avec Momo. Écoutez bien, voici maintenant les vœux. Parce que alors, tous les ans, vous savez, on enregistre les vœux parce que c'est important. Moi, c'est des trucs, vous savez, c'est des trucs à la con, mais moi, si on me souhaite pas bonne année, ça me fait quelque chose. Et si on vous souhaite pas bonne année, je me sens mal. Ouais, c'est relou. Ouais. Non, mais on fait les vœux quand même. C'est bien de le faire. Ouais. Exactement. Alors, avant de vous retrouver en direct dans l'émission, avant de retrouver le clash de la drague Romano contre Momo. Et oui, magnifique clash. Ouais. Gros souvenir. Voici tout de suite les vœux de bonne année. L'enregistrement, alors ça, c'est hors antenne, hein, parce que je peux vous dire qu'on galère. Ce que vous entendez à l'antenne, c'est la fin du truc. Hein. C'est après que nos amis. Quand on y arrive. Producteurs soient passés là-dessus. Ouais. Ah, qu'ils aient retravaillé le truc. Voici donc les vœux de Momo meilleur vœu pour la nouvelle année. Eh ben, toi, tu rigoles, c'est nous les pauvres. Mais non, mais on se foutait de sa gueule avant. C'est nous les pauvres. C'est pour ça. Bon, pour vous expliquer, Romano, il y arrive assez vite. Moi, ça dépend des fois. Ça dépend. C'est-à-dire, si les autres ont galéré avant, moi, ça va. C'est ça. Et Momo et Marie sont quand même les spécialistes. Pour un petit message de 10 secondes, même pas, il leur faut, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais c'est pas ça, pour tout vous dire, en fait, vous vous foutez de notre gueule avant même qu'on parle, donc on n'arrive pas à parler. Évidemment, non, parce qu'on sait que ça va être foireux. Oui, on sait qu'on va galérer, donc autant rigoler, Marie. Dans la même galère avec Momo, quoi. On rigole ou on s'énerve. Il y a On préfère rigoler. Oui. Écoute, parce qu'au final, c'est marrant. Oui, on fout de votre gueule, donc c'est drôle. Non, mais quand on vous disait qu'il faut profiter de tous les bons moments de la vie, profitez. Voici donc le medley spécial vœux de Momo. Les vœux de la nouvelle année. Je vais le faire tout seul. Vas-y, laisse-le essayer tout seul une fois, vas-y. Allez. Salut, c'est Momo de la Radio Libre. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Ah, c'est de toute façon, quand tu dis ça, t'as toujours l'air d'un con. Bah oui, t'as l'air d'un con. Allez, une deuxième Momo. Salut, c'est Momo de la Radio Libre. Vous êtes non, mais c'était très bien le premier. Salut, c'est Momo de la Night. Non, mais fais, c'est Momo de la Night. Mais fais-le, Momo. Si c'est Momo, je vous remets des glaçons. Dis ça. Allez, Momo. Ah ouais, Momo. Remets-nous des glaçons. Salut, c'est Momo. Allez, Momo. Allez, Momo, il tape dans les mains. Remets des glaçons. Salut, c'est Momo. Je vous souhaite à tous plein de bonheur. À tous et plein de bonheur. Salut, c'est Momo. Je vous souhaite à tous. Bah nous aussi, Momo. Tu vois les enfoirés. On te souhaite à tous. Le pauvre. Même message. Pas drôle. Je vous souhaite à tous. Bah oui. Bon, on a Adrien au téléphone en direct avec nous à Nancy. Bonjour Adrien. Ouais, salut toute l'équipe. Ça va? Salut Adrien. Salut à toi Adrien. Merci pour ton coup de fil. Bah pas de souci. Tu sais que c'est encore plus difficile de passer à l'antenne aujourd'hui que quand on fait gagner, je ne sais pas, n'importe quel cadeau. Hein. Avec tous les coups de fil que vous nous passez, tous les messages que vous nous laissez aussi depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai vu ça, j'ai galéré un peu, mais ça va. Alors, toi, t'as 21 ans, Adrien. Hein. Ouais. Bon, tu voulais passer un petit message, tu voulais faire quoi? Ouais, bah, petit message par rapport à Momo, quand il m'a filmé. Ce qui me faisait plus délirer, c'était ces petits clashs avec Samy par rapport au MPSG. Ça, c'était ça, les grands moi moments. Moi aussi, ça me faisait délirer. Oh, c'est le classico. Ah ouais, ça c'est. Voilà, c'était le grand classico. Ah, le classico, voilà. Dès que le calendrier est sorti, c'est le mec qui regardait au MPSG et il me parlait que de ça. Oui, pendant une semaine. Alors, le 4 avril, on était au mois d'août de l'année d'avant. Alors, le 4 avril, accroche-toi. Ah, mais direct que le calendrier sortait, alors direct, c'était l'événement. Ah ouais, direct. Rendez-vous ouais. Deux fois par an, c'était son truc. Après, il y avait l'événement des maillots. Ah ouais, Momo avait une spécialité, c'est-à-dire que bon, il kiffait le PSG, mais alors, comment on le traquait là-dessus? On l'appelait PSG. Alors quand les maillots sortaient, on lui faisait, ils sont comme, oh, c'est pas beau, ouais. Oh, ils sont pas beaux. Tous les ans, ils étaient pas beaux, il les maillots. Pas le maillot, et tous les ans, après, ils l'achetaient. Ouais, enfin, pas moulant. Oui, non. pas moulant, non. Et c'est mieux non. D'ailleurs. Oui, c'est mieux. Bon, donc c'est des moments avec Samy. Il y a Guillaume aussi qui est en direct avec nous, en direct de Draveil, et qui a une petite anecdote. Alors, ce que tu vas nous dire, tu bouges pas, Adrien, reste dans le coin. Non, salut, je bouge pas. Salut Guillaume. Salut Guigui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Moi, bonsoir à toi. Je voulais vous remercier déjà parce que je vous écoute depuis un bon moment. J'ai grandi avec vous et je vous ai. Nous aussi, on a grandi avec vous. C'est quand même un truc. J'étais fan du PSG comme Momo et voilà, je l'ai vu arriver sur votre antenne. Et bref, moi j'étais supporter aussi, enfin j'étais abonné chez Supra. Et il y a une bonne partie dans la rue. T'as vu le bel hommage qu'ils nous ont fait? Ah ouais, c'était. Et là ils chantent encore. La dernière, fois que j'ai vu Momo, c'était il y a un mois, c'était à 3 PSG. T'es en train de manger un gros sandwich, hein. Oui, ça, oui, ah, c'est très étonnant, ça. C'était lui, c'était bien lui. Et voilà, t'es pas trompé. Et puis moi, j'étais pas sûr de rentrer parce qu'il y avait des arrêtés préfectoraux. Bref, la dernière chose qu'il médite, c'est voilà, c'est fais gaffe à toi. Et moi, j'étais avec un ami, c'est ses dernières paroles et je lui ai pas parlé beaucoup de fois, mais voilà, tout ce qui ressort des réseaux sociaux, c'est que des messages positifs. Voilà. Et comment faire croire aussi tous les ultras de tous les clubs qui sont violents? Regardez ce qui se passe autour de Momo et vous verrez que c'est un gros soutien collectif. Ouais, ça a été ce qui nous fait sortir dans les médias, donc c'est pas des messages de violence. Et je voulais juste Guillaume aussi, Ultra, jusqu'au bout. Ouais, je voulais juste dire aussi à l'ancien président des Supra, Christophe Huldrych, a lancé une quête sur Internet. D'accord. Vous pouvez aller sur la page Facebook, c'est RIP Momo. Et donc voilà. Facebook, RIP Momo. Et oui, donc c'est une belle image qu'ils nous ont donnée, mais c'est une belle image tout à l'heure, t'as dans la rue, c'était très émouvant et on les remercie encore. Voilà, c'est du soutien et c'est comme une famille, comme il disait Momo, c'est une famille et un peu comme vous, voilà, vous avez fait grandir et ça fait toujours de la peine parce que c'est gentil, c'est une partie de nous qui part en fait. Oui, mais toujours là aussi. T'as vu quand on réécoute des moments d'émission, moi je rigole. C'est voilà, on arrive quand même malgré tout à passer. Comme disent les Sopranos, t'as un petit message qui m'a envoyé. On passe du rire aux larmes, mais bon, c'est un peu comme ça. Avancer, voilà. Merci en tout cas, Guillaume, pour ce. Bah, il nous préfère avec le soir, moment. Merci Adrien aussi. Allez Paris pour Momo. Voilà. Ah, quand même, hein, on n'oublie pas le Paris quand même à la fin. Tiens, allez, pour te faire plaisir. Allez. Voilà, ça c'est. Ça fait de la merde, hein. Ah, tiens, moi j'adore cette chanson, moi. Non, pour soutenir son club. Ça, il est bon, les ultras, ça, là. Allez, Adrien. T'inquiète. Merci. Bon, allez, salut, les gars. Merci salut, à toi, Adrien. Guillaume. Merci, ciao. Adrien. Ciao, les gars. Merci à tous les deux. Et merci. Et bon courage. Et bon courage à vous aussi. On salue le Maroc aussi. C'est vrai qu'on a suivi beaucoup l'Algérie, parce que Momo a des racines en Algérie. Et Lucie, qui nous dit qu'elle nous écoute depuis le Maroc sur son portable, elle rend un hommage à toute la famille. C'est vrai qu'on a des messages. On a parlé de l'Algérie tout à l'heure. Mais on a des messages du monde entier. Et voilà. Merci à vous. Des messages de Londres que j'ai vu tout à l'heure. Les Londoniens, hi. Voici donc le rendez-vous du clash de ce soir. Alors, un clash exceptionnel, puisque Romano. C'est le clash avec Momo. Eh ouais, j'ai clashé contre Momo. Tu as clashé contre Momo. Mais après, on l'avait fait d'autres fois aussi en équipe. Hein. Oui, il y avait eu les teams du clash, c'est vrai. Ouais. Et donc Momo... Il avait remplacé Cédric, qui est une fois de plus absent. Absent, oui. Il le cachait bien, son jeu, quand même. Ouais. Hein. C'était quand même un grand dragueur. Écoutez bien, le clash de la drague. Ah, démonstration de drague, là. Souvenir, et puis vous tous en direct. Hein, au 01 53 40 30 20, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Vous allez sur les réseaux aussi, on vous a mis plein de photos, souvenirs de Momo, des moments qui nous rappellent plein de souvenirs de l'émission. Et là donc, souvenir, le clash. Écoutez bien, Momo qui drague. Et attention, donc voici le clash de la drague exceptionnel de ce soir. D'un côté, l'annoncer comme d'habitude, Romano. De l'autre, alors là c'est un peu exceptionnel, c'est Momo. Ouais. Eh oui, Momo contre Romano, c'est le clash de ce soir. Les deux méthodes. Momo, c'est la méthode de la chanson du PSG. Autrement dit, la très belle PSG. Ouais, hein, allez Paris Saint-Germain. Je vais utiliser pour une fois. Voilà. PSG. Tendons-nous unis, c'est ça. Et de l'autre, on est tout pourri. La méthode de Romano. Moi, c'est la méthode de la danse. Ouais, c'est possible que je change. La méthode de la danse. Galère, quoi. Tu as prévu quoi comme musique de danse? Celle-ci, par exemple, non? Ouais, sinon je mettrais What You House, là, en stock, là. Tu as What You House? Ouais, bien. Sinon je mettrais un petit peu de Rihanna, là. Un petit peu de Rihanna. Alors, bon, premier numéro de téléphone, ligne numéro 8, on appelle qui? Alors, Momo, on va appeler en France, tu vas. On appelle en France, c'est quoi? C'est un numéro au hasard? Service, c'est une station service. Bah c'est parti. Hein. C'est parti. Tu peux proposer de faire un spectacle dans la station service? Non, je vais faire découvrir la chanson. Et si ça lui plaît, on va lui faire découvrir sa femme en même temps. Très bien. Et Romano, toi, tu pourras faire découvrir ta danse dans la station service. Allô? Oui. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je vais vous faire découvrir une chanson si ça vous plaît. On l'a fait découvrir à tous vos clients et à votre femme si ça vous plaît. Non, je vous remercie. Allez, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Mais Romano. Non, mais il la met pas la chanson, l'arbitre aussi. C'est vrai. Quoi, l'arbitre? Il faut mettre la chanson. Bah, sale corrompu. Bah, c'est la chanson, fallait la mettre. Il voulait pas écouter. Sale corrompu. Non, mais Momo, ça va pas. Ah, on ne parle pas comme ça, l'arbitre. T'es en train de péter un câble. Je t'y rappelle. Comment on rappelle? Ouais, parce qu'il a pas mis la musique, gros. T'as pas mis la musique. On fait rappel. Parce que Momo a tellement introduit. Ça va cacher la misère. On va encore se marrer. Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous? Ça va. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Ah? Et si ça vous plaît pour vos clients et comme ça on la fait découvrir à votre femme. Voilà. C'est quoi? Alors, j'aimais la chanson. Alors, la chanson, c'est ça. Ça vous plaît? Attendez! C'est joli, non? Ah, c'est bien. Ouais, ça vous plaît? Ouais, c'est bien. Et je peux venir après? Ce soir, on ferme. Hein. Non, mais après, mais avant que je... chez toi, direct. Ah non. Allez, avec ta femme. J'ai pas de femme. Allez-y, tous les deux. Ouais, nous deux, comme ça, on dansera sur la chanson. Allez, demain, plutôt. Hein, on se frottera, on dansera, y a pas de souci. Momo, ah, ils osent se frotter. Y a moyen? Ah non. Allez. Et non. Ça t'excite pas un peu? Pas trop. Ah putain, merde. En plus, elle est bien cette chanson. Ah bah, ah bah oui, mais bon. Tu veux que je la remette? Ah, Momo, il veut que je la remette. Chante, Momo. Chante un peu, Momo. Chanson. On va chez toi, tous les deux, tranquille. Voilà. Ah bah non. Allez. Ah non. Eh non. Non, mais allez, viens. Pas de soucis. Non, mais non. Dis-moi oui, s'il te plaît. Et non. Et non. Merde. Et ben voilà, Momo. C'est pas grave, hein. Bon. Eh ben, bon courage. En effet, bon courage. Merci. Alors Momo était en panique, ça s'entend. Tu étais en panique, là, Momo. Je suis un peu en panique là. Mais il faut. C'était pas mal, Momo. Ouais, ah, bien, ouais, gros, hein, quand même. Ouais, ouais, ça va, ça va. T'as vu l'équipe Romano, elle est contre toi. Ouais. Non, mais on a. En même temps, je fais la gueule qu'il faut quand ils disent ça, quoi. Donc. Mathieu, c'est vraiment des grosses salopes. Oh, c'était pas mal, les mecs, ils sont morts de rire. Ah bah, au moins t'as tenu. Non, mais c'est bien, Momo. Bah, non, mais il faut pas. Romano, en tant que spécialiste du clash, comment t'as trouvé? Non, mais déjà, Momo, ce que t'aurais dû faire, c'est ambiancer plus. Pour moi, t'aurais dû chanter. Je pense que l'équipe est d'accord. Oui. Non, mais je lui ai dit, gros. Ah, bah voilà, ça c'est clair, fallait chanter. Voilà. Et après, mais parle plus calmement. Non, mais je suis un peu stressé là. J'arrive pas. La méthode est pourrie, on dit. Bon, non, mais bon, la méthode, bon, ça va pas en parler, on va pas être désagréable. Non, mais c'est que t'es trop en panique, gros. Ouais. Mais même le mec, tu le stresses. Parle des contracts. Alors, Romano, essaye de faire mieux. Non, je vais me faire rétamer, le mec, il va me raccrocher à la gueule. Il y a des chances. On appelle en Belgique pour toi. En Belgique pour toi. Tu tiendras moins longtemps que Momo. Un hôtel, Romano, toi. Hôtel, Zach. Allô, l'hôtel? Oui. Oui, bonsoir, comment allez-vous? À quel honneur? Oui, que c'est Monsieur Van Der Pas à l'appareil. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible ce soir? Non, je n'ai plus rien, monsieur, je suis complet. Vous êtes complet, vous restez à l'accueil toute la nuit, vous? Comment? Vous restez à l'accueil toute la nuit? Pourquoi devez-vous savoir ça? Ben, parce que je vais venir te voir et je vais te faire une danse sensuelle sur le comptoir. Oui, bien moi je vais te foutre mon doigt dans le cul. Eh ben j'arrive alors. Eh ben bravo. Ça, c'est cadeau, ça. Ah, c'est château. Et Momo aurait bien aimé se prendre un bois dans le cul également. Non, c'est château, là. C'est là, c'est cadeau, Momo. Bon, Momo, tu en veux un deuxième? Ouais, enfin, un troisième déjà, toi. T'as déjà eu deux coups de fil, toi. Bon, allez, un troisième. Et pour toi, Momo. Et Romano, après, je te laisserai un autre coup de fil. Et vous pourrez voter juste après pour Momo ou Romano dans ce clash exceptionnel. Ah. Allô? Allô, bonsoir, vous allez bien? Oui. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je viens vous faire découvrir une chanson si ça vous plaît. Au revoir. Voilà. Merci. Je crois que la méthode du PSG. Ah, c'est la chanson du. La méthode du PSG, elle. Non, je disais au revoir des clients. Ah, pardon. Excusez-moi. Ah non, mais. Je vous repasse mon ami chanteur. Voilà, je suis chanteur. C'est qui, pareil? Je suis chanteur, je suis un chanteur parisien. C'est quelle radio? Non. Et en plus, Momo va payer un cadeau, le con. Payer un cadeau. Mais toi, c'est la totale. Mais quelle radio veux-tu que ce soit avec une technique de drague aussi? Je peux te chanter quand même une chanson. Pété. C'est Sky. Eh oui, c'est Skyrock. Eh, Romano, je t'écoute tous les soirs, Léon. Ah, bah, je suis là. Ah, bah, c'est gentil. Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ah, non, mais là, c'est pas moi qui te draguais, là. C'est Momo là, t'as pas de chance. Hey, je peux venir chez toi quand même. Romano, je préfère que ce soit toi que Cédric. Hein. Bon bah écoute, je viens et tu prends le plein. Non, c'est pour moi, non, casse-toi. Vous savez où vous êtes là? Non, mais non. Dans une station service. Ah bah ouais, bah tu vas me faire le plein. Non, mais Romano, ne viens pas, c'est mon appel, casse-toi. C'est quoi ton prénom? C'est Eric. Eric, bah super Eric. Bah on va t'envoyer un cadeau, c'est Momo qui paye. Ah bah y'a pas de soucis, hein. Qu'est-ce que tu m'envoies, Momo? Oh bah, non mais attends. Ah bah y'a du PSG. Là, je préfère. Non mais Momo, c'est fini là, mais c'est fini. Qu'est-ce que tu lui envoies, Momo? Là, un jeu pour mon fils. Eh bah un jeu pour le fils. Je peux venir quand même pour te faire des. Ouais, ok, à un moment on a dit. Ah mais les gars, si vous venez, je vous paye le café, hein. Ah bah écoute, Romano va dire à tout. Ah bah moi je vais y aller, moi. On finit l'émission, j'arrive, t'es dans quel coin? Ah bah oui, Romano, tu sortiras pas un sou, hein. Ah bah nickel, bah j'espère bien. Et t'es où? J'espère bien. Ah, je suis en Auvergne. Ah bah en plus c'est bien, c'est juste à côté. Romano, si tu veux en plus, Romano, je t'offre une meuf en plus si tu veux. Ah bah dis donc, c'est gentil. Mec, fait station service et proxénète. Il fournit les putes, Eric. Bravo Eric. Ah bah les gars, il déconne pas, il y a mon gamin qui doit écouter en plus. Ah bah voilà, bah, papa est proxénète. Piston. Oh cool, tous les soirs je vous écoute. Bah, hein. Super. Nickel. Et c'est où, elle est où ta station service? En Auvergne. Non mais ça je sais. Sur l'autoroute, sur la 71. Sur la 71, ok. Ouais. Eh, Difool. Oui. il y a une belle lurette, tu sais, qu'est-ce que j'avais un cadeau moi pour Romano. C'était quoi? Mais je l'ai paumé à la maison. C'était, tu sais, j'ai deux York à la maison. Des chiens, des Yorkshire. Ouais. Et tu voulais faire quoi? M'offrir des cheveux? Ouais, exactement. Quand j'ai fait raser le clébard, j'avais gardé les cheveux pour Romano. Ah bah yo, la prochaine fois, la prochaine taille, n'existe pas à m'envoyer. Ah bah, n'y va envoyer. Ah, celle-là, elle va passer dans les 5 meilleurs. Je pense que c'est possible. Ah putain, celle-là, elle est pas mal. N'hésite pas à m'envoyer les cheveux. Et bah merci Eric, raccroche pas en tout cas. Ok. Salut Eric, ciao. Ciao les gars. Bah ciao. Bon, tu dis pas, je peux finir. Je peux finir. Non, mais moi j'abandonne le clash. Tu veux. Bah attends, Momo, va falloir les votes. Non, mais attends, et puis moi j'ai. Tu veux ton dernier appel toi? Bah ouais. Allez, station service pour Romano, on y va. On va où? Donc c'est en France là? Ouais, station service en France. Non, mais que je mets pas l'accent belge comme un couillon. Que bonjour. Comment allez-vous, hein? Donc station service en France, allez, c'est parti. Oh, quoique, tiens, je vais parler en belge, je veux dire que je suis touriste. Tu veux faire un coup de fil en France, mais tu parles en belge? Bah ouais, pourquoi pas. Dans le 43, Romano, la Haute-Loire. Très bien. Je suis pas sûr qu'en Haute-Loire, la station-service soit ouverte. Non, mais si c'est des trucs d'autoroute. Ah oui. Il y a l'autoroute là-bas? Bonsoir. Oui, bonsoir. Que c'est la station-service? Oui. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je suis belge. Oui. Oui, que vous êtes encore ouvert? Oui. Oui, que c'est très bien. Que je vais venir te faire une petite danse sexy devant toi. Allô? Allô, le pompiste? C'est mort. Ta gueule. Le pompiste? Oui. Oui, que je vais venir danser devant toi et qu'après je vais t'attraper sur le comptoir. Ah, je crois que c'est mort. Ouais, ouais, mais Momo, j'aimerais que tu fermes ta gueule aussi pendant mes appels. Ah, parce que c'est valable pour Cédric, mais aussi. Ouais. Non, mais toi, t'avais loosé, le mec arrêtait pas de me parler, Eric. Non, bon. Il ne voulait même plus te parler à toi, il voulait parler que sur le. Avec moi, je suis désolé, Momo. Sans battre les couilles, le seul truc qu'il a voulu de toi, c'est le cadeau. C'est vrai. C'est tout, ouais. C'est vrai. Bon. On va faire les votes, d'abord les déclarations. Tu veux quoi comme musique? Musique du PSG pour déclarer. Ouais, mais... Eh bah oui, Momo. Hein. Non, la musique du foot, c'est mieux. Non, musique du PSG. Ouais, musique du PSG, Momo. Alors, c'est parti pour la déclaration. Mais c'est quoi? Tu chantes, Momo? Non, je chante pas, mais t'es malade. Tu passes à chanter. Ah non, je fais une déclaration, c'est tout. Hein. Une déclaration, attention, top déclaration. Votez pour moi, allez-y, de toute la France, j'accepte tous les votes. Votez Momo, 41 Sky, sur le Facebook, sur le Twitter, sur Internet. Votez pour moi, allez-y. Vous savez, Marseillais, Parisiens, Stéphanois, Lyonnais, il n'y a pas de souci. Les Marseillais vont voter en masse pour toi, je crois, Momo. Votez pour moi, les Marseillais. Tout le monde, allez-y, il n'y a pas de souci. Je prends tous les votes. Voilà. C'était la déclaration de Momo. Comment t'as trouvé la déclaration de Momo, Romano? Elle était super. Merci. Elle était super. Super pété. Merci. Là. Et toi, Romano, alors? Alors, bon, moi, je vais chanter sur Nicki Minaj. Nicki Minaj, laquelle? Turn Me On. Turn Me On. Voici donc la chanson avant la déclaration. Alors, attention, Marie, parce que les postillons vont partir là, ce soir. Ah non, c'est bon. Je vais tout donner pour la musique, mes amours. Je me cache. Attention. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Romano. Romano, Romano, Romano, Romano. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Romano, Romano, Romano, Romano, Romano. Oh, bon, et déclaration. Oh, c'était moche. Et t'as intérêt à te faire fort pour ta déclaration parce que regarde, pour Momo, ça vote. Hein. Ouais, mais là, les votes, ils comptent pas, je m'en bats les couilles. Attendez le top, là, je vous donne le top dans un instant. Bon, alors, ce soir, mes amours, je crois qu'il n'y a pas photo. Bon, Momo a tenté sa chance. Hein. Bon, il se retrouve à payer un CD. Non, un maillot de foot, pardon. Un maillot de foot, oui. Un maillot de foot. Moi, dès le premier coup de fil, bim, premier appel, je danse et le mec me met un doigt dans le cul pour me faire sans doute mieux danser. Je vais danser, hop là, je vais tourner sur son doigt, je vais tournoyer, ouh. Est-ce qu'on peut dire que Momo représente le Belge et que le score compte pour le Belge, non? Alors, non. Si vous aimez Cédric, si ça vous fait de la peine qu'il ne soit pas là ce soir, okay. Eh bien votez Romano, R-O-M-A-N-O, ce soir ma victoire sera également celle de Cédric. Déjà il en a pas beaucoup le pauvre. Mais ce soir pour lui rendre hommage, Cédric revient vite. Ce soir votez Romano, R-O-M-A-N-O. R-O-M-A-N-O. Et ça c'était le clash exceptionnel. Et je crois bien qu'il l'avait gagné. Alors Romano, j'ai les résultats parce qu'on allait chercher dans les archives. Alors le clash Momo Romano. T'as bien fait d'être absent ce jour-là, Cédric. Ah ouais. Merci. C'est bien pareil, hein, la musique du PSG, la chanson du PSG. Quel grand dragueur ce Momo. Hein. Et donc le résultat de ce clash, eh ben Momo ou Romano, qui avait gagné le clash de la drague? J'ai les résultats. Ah. Je crois que c'est Momo qui avait gagné en plus. T'as baisé, je crois. Ouais, bah, baisé, ouais. Il t'a baisé. Dans le cululu. Je m'en souviens. Momo, 58%. Je comprends, Romano, pourquoi tu voulais pas qu'il représente Cédric. Ah ouais, là, c'est clair. D'ailleurs, j'ai l'appel au vote avec Cédric dedans qui m'a fait foirer le jour là. Oui, parce que tu as quand même profité de l'absence de Cédric. T'es vraiment un enculé. Cédric est pas là. Oui, alors les supporters de la team Cédric, soutenez Cédric. Je voulais récupérer. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, ouais. Ça t'a porté la poisse. 58% pour Momo. Il avait gagné grâce à sa chanson magnifique du PSG. Bravo, Momo. Youssoupha sur Skyrock avec Aïna. Pour On se connaît, Youssoupha, que Momo aimait beaucoup. Si vous débarquez à l'instant même jusqu'à minuit, la spéciale de Momo, habituellement, à 7h06, c'est la spéciale de Difool. Les meilleurs moments, les moments les plus marquants de la radio libre de Difool. Ce soir, on a un petit peu changé le programme. Momo qui nous quittait il y a une semaine précisément, des centaines, des milliers de réactions encore ce soir, hein. Priscilla, 31 ans, Momo, ta voix va nous manquer. Malik 4D, trop d'émotion pour le dernier hommage à Momo. Nadia 89 37, une pensée pour Momo, sa famille, ses amis, toute l'équipe de Skyrock, merci pour le bel hommage des supporters du PSG. Moi qui n'aime pas le foot, j'ai pleuré, je vous écoute depuis 1998. Bisous à tous, bisous à toi Nadia. Momo toujours avec nous, bien évidemment, on se met l'émission hommage de lundi soir avec Difool et toute l'équipe. D'ici à la fin de l'émission, vous retrouverez également Fababy qui était passé dans la radio libre il y a quelques mois. Fababy, il était en troisième, il était au collège avec Momo, il avait raconté quelques petits dossiers sur Momo, notre Momo, la spéciale de Momo. Ça continue jusqu'à minuit sur Skyrock. Et oui, c'est nous en direct sur Skyrock. On est tous ensemble comme tous les soirs avec toute l'équipe. Quand je dis avec toute l'équipe, je pense évidemment à Momo. Bien sûr. Et je vous remercie encore pour tous vos messages. Momo qui nous a quitté ce week-end. Je te disais tout à l'heure en tout début d'émission, après le match du PSG, après la victoire en Coupe de la Ligue du PSG. Ce qui est quand même. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis, Karim ? Je t'ai dit, il s'est réveillé, il a demandé le résultat, il était heureux, après il s'est rendormi. Voilà, donc c'est une grande pensée à Momo et à vous tous pour vos messages depuis à toi, Momo. Tout à l'heure. Merci à Dylan qui est au téléphone, quoi, prendre avec nous. À Théo aussi, qui sont là. Vous êtes là, les gars ? Ouais, on est là. Dylan est là, Dylan, 17 ans, Théo, 16 ans, les Palois. Comment deux frères, Comment ça va ? Ah oui, les deux frangins. Bon, vous avez déjà eu à l'antenne, tous les deux, là. Ouais, tous les deux, ouais. C'est pareil, on est déjà passé. Je me rappelle de vous. Les grands fans de Skyrock. Eh bien, il faut continuer, Dylan et Théo. Ah, il y a un truc dont on parlait tout à l'heure, Romano, ça se souvenait pas, mais c'était revenu, je crois. Tu te rappelles quand tu faisais le chétan ? Non, c'est Diablotin qui. Il y a un auditeur Diablotin qui nous a envoyé un message, vous souvenez de mais ça, je me rappelais pas. Non, mais en tout cas, Laissez-nous, comme Diablotin, laissez-nous vos messages avec vos souvenirs de l'émission ou appelez-nous pour nous raconter. Celui-ci, Diablotin, a déclenché donc un souvenir dans le cerveau chauve de Romano. Et en fait, Diablotin nous expliquait, je m'amusais à faire le diable. Oui. Et quand on parlait de trucs surnaturels. Ah, ça, Momo, ça le faisait flipper. Ah, oui, ça le faisait pas, ça. Écoutez bien. Je suis. Je suis Satan. Momo était là. Starfall. Et un jour, en fait, je sais pas, pour rigoler, je l'ai poursuivi. Oui, c'est ça. Voilà, donc Momo était là avec son micro. Je suis Satan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Momo, il est sorti et il a fermé la porte, mais sur mes doigts. Oui. Et Difool, il est devenu blanc parce qu'il a cru que mes doigts étaient tombés de l'autre côté de la porte. J'ai cru qu'il y avait la moitié des doigts d'un côté de la porte. Je suis effondré, mais heureusement, non, c'était juste pas. Avec sa force, forcément. Ah, bah ouais. Et puis la porte, elle est balèze aussi, ouais. Ah, et puis de toute façon, même quand il venait dans le studio et qu'il claquait la porte, on avait l'impression qu'il démontait tout le truc. Ah ouais, non, mais c'est clair, l'immeuble tremblait. Il se rendait pas compte. On peut dire qu'il en a cassé un paquet des portes. Hein. Ouais. Donc voilà, on se souvenait de ce petit moment, c'est vrai. Tu as risqué tes mains, Romano. Eh ouais. Pour Momo. Ah ouais, bon, il avait pas fait exprès là. Non, mais sur le coup, ça m'avait fait vachement mal, ouais. Faut pas faire le chétan. Bon, alors les frangins, Dylan, Théo. Ouais, c'était quoi le message ou le souvenir ou. Ou la pensée que vous aviez pour Momo. Allez-y, les gars. Voilà, donc nous, on voulait dire qu'il y a déjà un grand hommage à lui. Ça nous a fait beaucoup de peine quand on a appris ça. On a appris ça ce matin, en fait. Nous, on l'a annoncé ce matin. Bon, je voulais pas qu'on annonce hier parce qu'il est parti samedi. On voulait une. Dans la nuit. Hein. Ouais. Donc voilà. On voulait dire, lui, il nous faisait. Momo, il nous faisait marrer qu'à chaque fois, vous allez vous planquer les caméras pendant qu'il jouait à la console ou qu'il regardait un match de foot. Oui, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. On l'a piégé. Oui, ça nous faisait plus que marrer parce qu'en fait, ça, on dirait nous, quoi, en fait, parce qu'à chaque fois que l'un de nous perd, on crie. Ouais, la même réaction. Ouais. Ouais, c'est ça, des fois, on incite. Par exemple, la dernière fois que j'ai joué avec Dylan, qui est là, j'ai perdu. Ah, tu t'es fait baiser. Ah ouais, j'ai perdu 7-2, je crois. Ça m'énerve. Alors, Momo ne disait pas. J'explosais mon téléphone parce que je perdais la PKL. Ah oui, le téléphone et la console aussi. C'est vrai que vous avez beaucoup de points communs parce que Momo cassait également de nombreuses consoles et des manettes aussi. Ouais. Ah ouais, celle-là, elle a pété. Ah ouais, non, mais Dylan, carrément, il a pris son. Bon, il a explosé avec sa manette. Et après, vu qu'il était encore plus en colère que son téléphone soit pété en plus, il a pris son téléphone, il l'a jeté par la fenêtre. Pas mal. Bah écoute, Momo, lui, c'était les manettes. D'ailleurs, il a financé une grande partie du développement de PlayStation. Ah ouais, niveau manette. C'est-à-dire que si la PlayStation est à ce niveau de technologie, c'est qu'ils ont quand même pu investir grâce à Momo. Tu m'étonnes. Et grâce à une manette qu'il a pété. Bah, il saute dessus en deux secondes, la manette. Ouais, ouais, elle partait dans le mur. Alors à ce moment-là, fallait pas passer dans la pièce parce que ta tête passait entre la manette. Enfin, ah bah imaginez ouais, la ça. Face de Momo. C'est ça. Voilà. Toi, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ah, toi, tu t'es déjà pris une manette dans la gueule, toi. Ouais, c'est déjà arrivé, ouais, une fois. Mais je jouais pas, même pas à la console, en plus. Je jouais même pas à la console, c'est parce que je m'amusais à commenter les matchs. Donc, lui, c'était avec mon petit frère et Dylan. Et donc, à un moment, j'étais peut-être un petit peu désagréable. Il m'a balancé la manette dans la gueule, si vous voulez. Très bien. Et écoutez, vous aussi, vous avez financé un peu PlayStation dans la famille. Bah ça va bien, vous aussi. Bah écoutez, ça fait plaisir. Moi aussi, c'est pareil. On est tous comme ça quand on joue. Ah bah écoute, c'est Cake qui nous laisse un message. On salue Steak. Ah non, également. Mais on rage. Sérieux, on rage. Bon, bah écoutez, merci. C'est lui qui prend des branlés à FIFA. C'est surtout pour ça qu'il rage. Je crois que tu mets tellement cher que le prend des plus. Qui était le meilleur, d'ailleurs? On nous demande, entre Samy et Momo, quand vous jouiez à la console tous les deux, c'était qui le meilleur? C'était toi ou à FIFA? Franchement, allez, Samy, vous, attention. Hein. Non, à FIFA, Momo il me mettait la misère. Momo nous écoute, il faut pas mentir. Moi, FIFA, j'ai jamais trop joué, tu vois. Baiser, et tu prenais Marseille, il prenait Paris? Ouais, non, mais là, à la fin, on pouvait même plus, gros. Marseille, ouais. Ils sont tellement pétés dans le jeu. Paris, ils sont forts, tu vois. D'ailleurs, tiens, il faut que je vous donne une petite info qui fera plaisir à Momo. Marseille n'a toujours pas gagné sur son terrain. Ouais, ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être ouais. Aller à la saison sans gagner sur notre terrain, enfin, ouais. Depuis le mois de septembre. Ouais. Ouais. Et sinon, bah, en fait, deux fois, on avait fait des tournois ici de PES, tu vois, il y a 4-5 ans avec tout le monde. T'étais meilleur sur PES? Et j'étais meilleur, mais Momo m'avait battu quand j'étais la vérité. Et je crois même qu'un des deux tournois, il avait gagné. Et donc, on avait acheté. En fait, il n'y a que moi qui le battais dans l'équipe. Genre. J'étais le seul à pouvoir gagner. C'est ça. Exactement. Ah, t'as raison. Et il était content, il avait gagné le tournoi de Sky, t'es à PES, mais on lui avait acheté une coupe et tout, mais il était content. Il était trop fier. Oui, tu disais, Théo. Ouais. Ah non, tu as fait Cluic. D'accord, bah Cluic à toi également. Cluic. Bon, merci Cluic. À toi. Merci les deux frangins. Et puis, Et allez, PSG surtout. Hein. PSG. Moi, je suis à fond PSG, moi. Même si je suis pour Marseille, c'est ça, je supporte PSG pour Momo. C'est pas beau, ça. Deux ça frangins. Lui fera plaisir. Regardez, deux frangins. Ouais. Et voilà. Allez, on fait le bisou. Et surtout, il nous entend. Je sais qu'il nous entend. Allez, on pense fort à lui. Au lui bisous, fait gros bisous. Merci les frères. Bisous à vous l'équipe. Et voilà. Bisous à toute sa famille. Gardez la tête haute et soyez très très fort. Et merci à vous. Support. Ciao. Merci les frérots. Merci les frérots. Salut la famille. Allez, la famille de Momo, t'as raison, Marie. Et puis merci. Et puis en votre nom aussi. Non, ce soir, c'est pas Romano qui a gagné le clash, c'est Momo. 58%. Hop là. 58%, désolé les gars. Baiser Romano. Heureusement que c'était pas à chaque fois contre lui qui avait lieu le clash. T'imagines, on aurait mis Momo dans le clash, mais tu te faisais peut-être bien. Tu serais peut-être pas le clasheur en chef. Peut-être. Ouais, je serais le loser comme Cédric. Oh là là, mon pauvre Romano. Et puis, il y a Ritza, on nous dit, qui a laissé un message. Ouais, on a vu Ritza, on a vu plein. Bon, merci tous ceux, les snipers également, qui ont pensé à lui. Oui. Il aimait bien les snipers. Ouais, grave. Il aimait bien sniper. Ouais. Et ben nous aussi, on aime bien sniper. L'Algérino, Dr Beris, qui était là dans Planète Rap, Youssoufa également, qui nous dit quand rien ne va, tout va, Momo nous a quitté. Mec drôle. En or, gentil, passionné, nos pensées vont à la famille. Grosse pensée, merci aussi, à toi, Yous. C'est pour ça qu'on t'a écouté, Yous. Voilà, donc, mais, et puis surtout, merci à vous tous. On a un nombre de messages. On va tout remettre ça à sa maman. Et tous les messages que. Ouais, voilà. Ouais sa maman. Ouais. Voilà, on va lui mettre tous ces messages. Et vous lui faites très plaisir également. Là. Bon, on a. Alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, voici donc les meilleurs moments de Momo. Les meilleurs moments de Momo en 1 minute 30. Voici un petit concentré de Momo. Ah ouais. Écoutez bien. Attention. C'est pour Momo. Allô ? Salut, comme salam. Pour le foot, il y a d'autres nouvelles, Momo, vas-y, fais-le. La troisième place. Non, mais on me l'a conseillé. C'est bien, Momo. Comme ça, il n'y aura pas de grouge, rien du tout. Pas de grouge, merci, Momo. Mais tu parles aussi bien que ça. Il n'y a pas de grouge. Bonsoir tout le monde. Hein. Bah, préviens pas quand tu vas au match. Désolé, non. Non, on m'a offert la place généreusement. Ah, Momo, tu m'as bien acheté la place. Non, on m'a donné. Tellement il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Écoutez bien. C'est pas Momo regarde un match de basket à la télé. Aïe, aïe, aïe, t'as la repoussée sur le bas du. match. Voilà, il est tout seul. Aïe aïe aïe, t'as rien passé sur le match. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Non, oh non. C'est marrant, mais à chaque fois qu'il soutient une équipe, il y a toujours des problèmes. C'est ça. Oh non. Oh là, non. C'est barbecue, hein. Allez, moi je rentre chez WAM, gros. Allez, je rentre chez WAM. Allez, gros. Tu rentres chez toi, Momo, après le match. Allez, salut. Allez, salut. C'est Momo. Ouais. Eh oui, Momo contre Romano. C'est le clash de ce soir. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Alors, je mets la chanson. Alors, la chanson, c'est ça. Ça vous plaît ? Attendez. C'est joli, non ? Ah, c'est bien. Ouais, ça vous plaît ? Ouais, c'est bien. Et je peux venir après ? Ah non. Allez. Et non. Ça t'excite pas un peu ? Pas trop. Remets le « Allez, salut ». Ah ouais. Allez, salut. Allez, salut. Salut, Momo. Mais non, pas « Allez, salut », »,« Allez ». Allez, allez, allez, allez. Voilà, un petit concentré de Momo pour nous. Et un petit Minem qu'on a promis aussi, qu'on va mettre d'ici quelques instants là. Ouais. Romano, est-ce que tu te souviens de DJ Roro et de Momo, Momo de la Night ? Ah ouais, parce ah, que... Ah oui. Ah, alors attention, ah, Momo de la Night. Non, parce que c'est pareil, ça on nous avait informé oui, on a que régulièrement, Momo traînait dans la nuit parisienne. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ah, vous êtes oui. nos informateurs. Et surtout dans une boîte qui s'appelle le Metropolis. Le Metropolis. Momo de la Night. Momo, donc on l'appelait Momo, c'était devenu Momo de la Night. Ouais. Momo de la Night. Et par exemple, qu'on enregistrait là pour quand on part en vacances et tout ça. Oui. Alors là, c'était des alors là, moments. C'est après l'émission, je vous explique comment ouais, ça ouais. se passe. Après c'était l'émission, en antenne. On finit l'émission à minuit et demi. On démarre une nouvelle émission pour les vacances. Et là, c'est toujours un très bon moment. Momo de la Night, alors, il est là. Et ouais, c'est ça. Night. Et je faisais DJ Roro. Hein. Oui. Et, il Momo, adorait DJ Roro. Et je le faisais ambiancer un peu, quoi. Et on était là, Momo, remets-nous des glaçons. Et on rigolait, on était contents. Momo, remets-nous des glaçons. C'est Momo de la Night. Ah, ouais, Momo de la Night. Ah, c'était le grand Momo de la Night. Ah ouais, ouais, parce qu'il allait en tout bois, Momo. Il avait sa tenue surtout. Il clubait. Hein. Il avait tenue. Ah, il avait une tenue en fait dans sa voiture. Ça, dès qu'on se barrait, personne l'a vu. Moi, j'avais cramé dans le parking. Ah ouais. Ça, ah, il s'habillait. Je n'avais pas vu. Donc, mais non. Il quittait son, son jogging du PSG. Ouais. En sortant de la radio, son t-shirt du PSG. Et là, il se transformait en Momo de la Night. Il avait une veste de costume. Non, mais exactement. Moi, quand je sortais avec lui, il faisait toujours le beau. Il me disait, ne bouge pas. Et hop, il changeait. Il sortait. Il avait sa veste de costume et ses chaussures à pointe. Exactement. Ses chaussures à pointe. Ah, oui, sur pointu. Oui. Ah ouais. C'était les pointus. Ah ouais, ouais. Si, moi j'ai un pote qui m'a appelé et en fait lui il buvait pas d'alcool. Donc au lieu d'avoir des magnums de vodka ou des magnums de champagne, j'ai des magnums de jus de raisin. J'ai des magnums de jus de pomme. C'est pas vrai. Non, et magnum de coca quoi. Mais non, un magnum d'oasis. Si, mais si. Non, mon pote il l'a appelé comme ça en boîte. Il fait ça va, magnum de coca. Mec, il avait sa table au truc VIP. Il était VIP. Il était VIP. Il était VIP. Ouais, il était VIP. Non, un mec qui te prend des magnums de jus de pomme, je peux te dire qu'il est VIP, c'est normal. Et c'était quand même Momo de la Night. Et c'est bien sûr Momo de la Night. Non, mais moi j'étais à son bras, ils étaient très fiers. Et en chicha aussi. J'ai vu une fois en chicha. Alors en chicha, vas-y, raconte. Bon, Chel, il avait sa table, il était tout seul parce que c'était des toutes petites tables, c'est dans les chicha. Et lui, comme il fait 2 mètres, il s'assoit, il avait ses genoux qui dépassaient et tout. Il était là assis, il fumait même pas. Donc il avait mis une chicha, mais le mec était là comme ça, en fait, il était tout seul. Il attendait ses potes, en fait, et je le vois, je fais putain, mais j'hallucine quoi. Je fais c'est Momo. C'est Momo de la Night. Et Momo, non, Momo, là, Momo de la chicha. C'est Momo de la chicha. Il faisait d'abord chicha et après il allait en boîte. D'accord. Ah, j'ai halluciné, putain. Très bien. Ah ouais, c'était un vrai mec de la Night. Avec Momo. Sa veste de costume, hein, VIP. Les petits secrets sur la. Putain, ça, je savais pas sur la life nocturne ouais. de Momo, dis donc. Ah ouais. Ouais, ça, merci Cédric pour ce bien, comment bien. Il changeait son pantalon, il se mettait un poil dans le enfin en slip dans le parking. Ouais, non, dans le parking, bah il changeait vite fait. Dans la voiture. Ouais. Ouais, mais après beau gosse. Et après, il nous fait la même démonstration qu'il a fait dans le clash tout à l'heure. Et il gagne à 58%. Et il gagne à 58%. Et il baisse en panneau. Et il baisse en panneau. Et il éclate des magnums de coca et de jus de pomme. Alors, un point commun que Momo a avec toi, Romano. Alors, trouve. Un point commun ? Ouais, on va écouter des trucs là. Trouve. Alors d'après vous, tiens, on va faire un petit jeu. Point commun entre Romano et Momo. Attendez, je descends les messages parce qu'on est. Ah ouais, là, bon, tiens, c'est pas la taille. Merci clair. Pour vos messages, vraiment. Hein, c'est 69 le beau gosse, Carotte Man. Je peux pas, je veux évidemment pas tous vous citer, mais c'est. Bah, il y en a tellement que c'est bloqué. C'est, en fait. Ça donne, ça fait plaisir, ça donne chaud au cœur tout ça. Alors, ah, Callaghan a trouvé la bonne réponse. Ah, ouais, ah bah tiens voilà. Bravo Callaghan, félicitations. Bisous Callaghan. Ouais, ouais. Attends, attends. Non, la calvitie, non. Momo n'était pas chauve. Non, non. Momo avait plein de cheveux. Une grosse touffe. Alors, l'odeur, parfois. Ouais, ça, ouais, ça. Pas loin. Non, on avait la barbe. Tout le... Quoi, l'odeur, attends. Vous aviez. Non, il y a eu des périodes où je me lavais moins. Ah, voilà. J'ai eu des périodes. Tu commences à avouer là, petit voilà, à petit. Voilà, c'est ça, mais bon. Non, à vrai dire. On veut dire que tous les deux, vous avez eu quand je suis arrivé dans l'émission, à vrai dire, j'avais une hygiène. T'étais sale. Il est vrai, plus que douteuse. T'étais un crassé. Mais grâce à toute l'équipe, j'ai appris à devenir propre. Tu te rassures, Momo aussi. À cette époque. Ouais, ouais. Tu te laves tous les jours maintenant? Ah bah ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais. Changement. Dimanche. Non. Sauf le week-end. Ouais, bah, sauf le week-end, ouais. Ouais, ouais, parce que le week-end, là, c'est trop, là. Bah, il garde quand même. Non, mais non, mais. Ouais, quoi, non, mais ça me fait chier, quoi. Et les vacances aussi. Les vacances, là, ouais, non, je suis. Non, il se lave dans l'eau de la mer, gros. Non, non, là, je dois t'avouer que je me suis pas baigné, mais là, je me suis pas lavé tous les jours non plus. Très bien, bravo. Donc, vous aviez ce magnifique point commun, mais ce n'est pas ça, le point commun. Non, c'est pas quoi, ça. Il y a plein qui ont trouvé la réponse. Bravo, bravo à Tino, bravo. Ah, si, ouais, Sgeg, pardon. Bonjour, Sgeg, ça vous. Mais arrête, tiens, mais je. Mais tout le monde a trouvé. La barbe. Ils adoraient le problème du mois. Non, c'est pas ça. Mais la non, barbe, non. Il y en a plein qui ont dit la barbe. C'est pas ça. Bah, je sais pas. Non. Désolé, Soso. En fait. Elle a dit la barbe. C'est pas ça. Ah. C'est facile, en fait. Parce qu'il a fait tout à l'heure, on a passé des trucs, des morceaux de Momo, et il faisait ça. Il avait le même problème que Romano. Alors ? Ah, il buguait. Bien. Voilà. Momo, il bug. Ouais, ça, voilà. Écoutez bien, Momo. Oui, les Momo. Fameux bug, c'est clair, il bug. Tiens, Romano, écoute bien celui-ci. Il est presque digne de toi. Bon, non. Fini pour le foot, il y a d'autres nouvelles, Momo, vas-y, fais-le. La troisième place. Oui. Ah, pas celui-là, mal. Ouais, pas mal. Ouais. Ah, franchement, là, il y a du niveau. La troisième place. Un autre. La troisième place. On passe au suivant. T'as trouvé un logiciel qui calcule tout seul. Non, mais on me l'a conseillé. C'est bien, ça. C'est bien, Momo. Comme ça, il n'y aura pas de grouge, rien du tout. Pas de grouge, merci, Momo. Mais tu parles aussi bien que ça. Il n'y a pas de grouge. Il n'y a pas de grouge, Momo. Il est pas mal celui-ci, alors ça serait plus un bug tendance Cédric. Ouais, c'est ça. Là, c'est une Cédric. Il y a de la grouge. C'est-à-dire que tu as un point. Ouais, de temps en temps, je bug. Bah, les U, tu les passes en OU et les OU en U. Ouais. Ce qui fait, par exemple, Scott Cru, c'est Loustoucrou. Voilà. Turlu Tutu, c'est Tourlou Toutou. Tourlou Toutou. Et là, Momo, il nous a fait à peu près la même avec la gruge. Comme ça, il n'y aura pas de gruge. Non, mais ça, c'est ouais, parce qu'à chaque fois avec le clash, il y avait toujours des polémiques. Il y avait de la gruge. Ah, beaucoup. Toujours des polémiques à propos du comptage. Ah, de la gruge. C'est vrai que, non, mais le comptage, bon. Certaines c'était, fois, bon, c'était, Momo, c'était ouais. Approximatif. Moi, ça me dérangeait pas, j'éclatais sans cesse Cédric. Ouais. C'est bizarre, à chaque fois, c'était dans ton sens. Non, pas du tout. Si, si. Bah non, pas du tout. Momo était objectif, il le disait, je ne mets pas en doute la sincérité et l'honnêteté de Momo dans les résultats du clash de la drague. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, la prochaine fois, on fait compter par la Marie maintenant. Ah bah putain, ouais. Ça, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Marie va compter les résultats du clash, les résultats du clash Birgo. Qu'est-ce que c'est? C'est barbecue, hein. Un barbecue. Ouais, en fait, et exactement le même syndrome que toi, c'est terrible. Bah. Alors, c'est tout, on a démarré avec ce point commun. Pourquoi il y a un lien entre Cédric et Romano? C'est Momo. Voilà, c'est ça. C'est le lien entre les deux. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, alors il le dit normalement, barbecue. Bah ouais, et ouais, oui, ça me fait un barbecue, hein. Un barbecue, mais oui. Ben oui, ouais, attends. Mais bien sûr. Alors, Momo, alors là, qui nous fait un bug, mais en arabe. Magnifique. Sauf ton leg. Ah non, c'est même pas un bug. Ah bah, c'est Sahaftorek, hein, c'est pas Saftorek. Excuse-moi, Karim. Ah bah, il a fait une version abrégée. Saftorek. Il a fait, ouais, comme nous on fait. Ouais, Bjour. Ouais, Bjour. Bjour, bon. Hey, Bjour. Bjour, ça. Saftorek. Saftorek. Saftorek. Et encore Momo. Salikoum Salem. Ah, le célèbre. Salikoum Salam. Le célèbre Salikoum Salem. Donc tu vois qu'il avait des points communs avec toi également, Romano, même si vous n'étiez pas de la même taille. Non, putain, c'est. Ah ouais, les extrêmes inverses, ouais. Au niveau de la taille. Ah ouais. Je suis plus petit, c'est le plus grand. Exactement. C'est ça, ouais. Ouais. Et là, je suis dans les archives de Skyrock. Il y a un truc écrit chanson PSG, Momo, c'est quoi ça? Il a chanté? Mais non, il chantait gros. Parce qu'on est en train de chercher un moment où Momo a chanté aller Paris Saint-Germain, mais je suis sûr qu'il l'a jamais voulu chanter. Donc ça m'étonnerait que ce soit ça, mais on va voir. Je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Non, il a jamais chanté. C'était. Oui, c'était le petit. Sa technique au clash, en fait. Sa petite technique. Ouais, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui arrive à trouver ça. Momo qui chante, persuadé qu'il ne nous l'a jamais fait, ça. Bon, Eminem. Ah ouais, alors Eminem, il était même devenu pote avec Eminem, vous avez vu ça? Enfin, pote. Enfin, il a essayé de le tromper. Il avait réussi à le toucher. Ouais, c'est ça, il avait attrapé par le cou. Ouais, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde, parce que Eminem a un peu une phobie des gens. Ouais, c'est vrai, on pouvait pas trop le toucher. Mais il n'avait pas une phobie de Momo, donc je vous avais promis Eminem. On va le retrouver, on aura Ludivine aussi dans un instant avec nous. Without Me d'Eminem sur Skyrock. Hommage à Momo en ce dimanche soir, la spéciale de Momo avec les hommages qui sont succédés tout au long de la semaine. Un hommage de dingue vendredi soir au Parc des Princes avant le match PSG-Rennes. C'est la première fois qu'une minute d'applaudissement a continué après le coup d'envoi du match. Il y a Floflo BZH qui vient d'envoyer un message hier au Moustoir, aujourd'hui au Parc des Princes. Un hommage poignant pour toi, mon grand RIP Momo au Parc des Princes. Des centaines de personnes encore réunies pour rendre hommage à Momo et en partant, ça criait, ça chantait Momo toujours avec nous, Momo toujours avec nous. Bien évidemment, on pense à lui, on pense fort à lui, à sa maman, à tout le monde. La spéciale de Difool, la spéciale de Momo qui continue. On se met l'hommage de lundi soir rendu par Difool et toute l'équipe. La suite de l'émission, c'est maintenant. Tous les soirs, on est là en direct sur Skyrock. Vous êtes avec nous, on est avec vous et on est tous avec Momo ce soir et on pense tout à lui. Et on voulait vous remercier de ça. On a appris des trucs sur Momo. Momo lisait des livres en n'étant pas discuté avec ça. Vraiment. Et le livre de Zlatan. Des gros volumes, on nous a dit qu'il lisait le Momo. On savait pas, il nous cachait des trucs. Ah, il nous cachait des trucs. Même le livre de Domenech, il l'a lu, man. Wow. Le mec était littéraire en fait. Attends, mais plus que nous, il lisait plus de livres que moi, Momo. Ah, il faisait quand même des fautes d'orthographe, mais bon. Oui, enfin, bon, il lisait. Ouais, mais attends, c'est normal, il lit le livre de Domenech, c'est normal qu'il fasse des fautes. Enfoiré. Oui, c'est vrai aussi. Bon, Marie, te fous pas trop de la gueule de Momo parce qu'autrement, je te demande 4x4 et là, t'es dans la merde. Hein. Moi, je lis beaucoup, mais je ne calcule pas beaucoup, oui, effectivement. Momo, triste nouvelle. Un grand big up à toi. Il y en a qui ont vu Momo et Urban Peace. Nessie qui nous laisse un message. Ah, bah, entre autres, hein, de toute façon, il dépassait tout le monde. Donc, il pouvait être dans le public, il n'y a pas de problème. Il avait sa tête au-dessus de tout le monde. Ah, ouais, c'est clair. C'est... Oui, c'est vrai que Momo, Momo, c'est un peu un périscope, quoi. Exactement. Ouais. C'est pratique. T'avais des messages à nous lire. Tous mes souvenirs avec Momo, j'ai que 17 ans et je l'écoutais depuis 4 ans. Il faisait un peu partie de la famille, même si on l'entendait moins ces derniers temps. C'est vrai, mais il était toujours là. Avant chaque match, je vous lisais des petits messages qu'il nous envoyait. Ah ouais, totalement. Puis il nous engueulait, il disait, mais il pensait à moi. Ben oui, je lis ton message, Momo. Ouais, c'est ça, exactement. Toujours très intéressant. Amandine lui fait un gros bisou, on pense à toi, Momo. Un ange dans le ciel, c'est le message de Cédric sur le 41759 aussi. Il brille comme une étoile, man. Rest in peace. Il brille comme une étoile. Une grosse étoile. Alors, c'est un gros soleil, Momo. Une grosse étoile filante. C'est clair. Un gros soleil, Momo. Ah, puis il y en a qui sont arrivés en cours d'émission et qui nous demandent pourquoi vous parlez de Momo comme ça, parce que Momo nous a quittés samedi, juste après le match du PSG. Oui, dans la nuit. Et dans la nuit de samedi à dimanche. Donc. Voilà, mais écoutez, on est content d'être avec vous. Il y a Jérémy là qui était avec nous là quand on avait fait l'émission au Manoir de Paris. Oui. Et il dit j'étais avec vous au Manoir de Paris, j'ai eu la chance d'un peu échanger avec lui. Mmh. Hyper gentil, grand supporter, RIP Momo. Moi c'est ma mère qui m'a appelé. Jérémy. Ta maman qui t'a appelé. Ouais, ma mère m'a appelé, elle pleurait gros. Ouais, mon père pareil. Ma mère pareil. Qu'est-ce qui lui est arrivé et tout, qu'est-ce qu'il a eu, donc je lui ai expliqué parce qu'elle était pas bien. Ah ouais, mon père pareil, je voulais pas lui dire avant, il m'a appelé ce matin, pareil, il était en pleurs. Enfin, il l'avait déjà rencontré, Momo, mais. Ouais, mon père me racontait hier soir qu'il avait. Donc il avait vu Momo, bon, il était venu me voir à Paris, parce qu'il ne fait pas souvent, Donc il était venu à Paris, on était en émission, et Momo, mon père avait faim. Qu'est-ce qu'il avait fait? Momo l'avait amené bouffer, et il avait bouffé en tête à tête avec Momo, mon père. Il a bouffé où, au grec? Ils ont parlé de foot pendant tout le repas. Ah putain. Non, en plus, ça va, ton père, il est bon public, il aime bien parler de football. En plus, ça devait être drôle. Avec son accent stéphanois, ton père, et puis Momo. Comment ça, avec mon père? Ah, bah attends, il a un accent stéphanois. Un peu de respect, Marie. Hey, tu connais. Ah, mais je le respecte, je le FC Sachanon. Hein. Ouais, il parle comme ça. Mais non, il parle pas comme ça. Il a un accent. Non, il n'y a pas d'accent. Ah, quand ton père? Ah bah si. Ah si, il a un bloc clavier. Ton père, mais c'est son mère. Ah non, il a. Ah mais si. On pourrait l'appeler pour des doubles appels. Parce que toi, t'es habitué. Non mais ouais, il a. Ben, j'ai vu peu de fois, mais les peu de fois où je l'ai vu, franchement, l'accent, j'ai halluciné. Non mais dis donc. Non mais c'est vrai. Non mais ouais, mais comme moi, mon père. Il parle comme ça. Comme mon père, moi, il a vachement l'accent de la Bourgogne, tu vois. Plus que mon père. Ah franchement ça se voit. Chacun dans leur région. Ah ouais, on les connaît tous les deux, ouais, ça se voit, ouais, je confirme. Donc Momo avait bouffé en tête à tête. Tête à tête avec mon père. Il était content, Georges. Il était content comme tout. Et puis il me dit je connais au football. Hein. Je pense qu'il s'était. Il a dû lui manger la tête. Ah non, mais mon père a dû lui manger la tête aussi. C'est ton daron aussi, il aime bien parler. Les deux se sont mangés la tête. Des souvenirs de. J'imagine Momo. Oh, bah, c'est bien la SS. Oh oui, allez, titre à l'époque. À l'époque du platine. C'était ça. C'était bien à l'époque. En 1982. Exactement. Bon, et Momo, allez, un petit medley de Momo. Et puis puis on vous retrouve en direct dans un instant. Ah, il y a quelqu'un qui connaît bien Momo aussi. Un de ses potes, hein, je crois d'ailleurs. Oui. Qui ça concerne le football, je vous en dis pas plus. Ça concerne le football. Travaille dans une chaîne de télé, c'est un peu. Ouais. Très bien. Et dans une radio aussi, on peut dire. Radio télé. Très bien. Ok. Radio. On va voir ça dans un instant. Petite surprise pour Momo. Et donc Momo, dans toute sa splendeur, un concentré de 2 minutes 17. Écoutez bien. Attention Momo. Salut à tous. C'est DJ Roro. Momo, est-ce que tu es prêt? Non, c'est bon. Achik, achik, achik. Look at Momo. Momo is a catcher. Momo. Big Momo in the house. Big Momo in the house. Big motherfucking Momo in the house. Merci beaucoup Snoop, thank you very much. Bring her to the concert Wednesday. I want her to come. Marie, t'oublie pas de venir au concert. Wow, Marie. Mais Marie, c'est un peu la folie ce soir. Ok. Thank you very much Snoop. And bring big Momo too. Et on amène gros Momo. Gros Momo, tu feras un combat de catch au début du concert. Voici maintenant Momo qui joue à Call of Duty sur la console. La putain de ta mère va. Je viens de commencer, je me suis fait buter. Oh là là. Là, il est tout seul hein, chez lui, tranquille. Comment tu vois tes adversaires là? Putain de ta mère, merde! Putain de ta mère, fils de! Ah là! Ce qui est quand même dingue, c'est que l'écran et la console ne répondent pas. Hein. Ah, ouais. Ouais. J'en ai tué un! Ah, c'est bien, Momo! Il en a tué un, c'est bien, Momo! Putain de ta mère! Non, mais en gros, elle a dit, elle s'était fait. Ah, non, il m'a bavé dessus. Ah, ouais, là, Momo, il a fait un truc, mais monstrueux! Non, non, mais moi, attends, moi, si un jour je prends l'avion au-dessus, moi, je demande au pilote de détourner. Hein. Ah. Attends, mais ça me fait flipper là-dedans. Ils vont voir que t'es un terroriste après, si tu le détournes. Petite blague de Momo. Hop là ouais. C'est Eric aujourd'hui. Merci Momo. Non mais pour les Lensois, il y a un nouvel attaquant, c'est Maoulida, le joueur d'Auxerre. Bon, il a craqué, il s'est cassé à Lens, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais Momo, en fait, a essayé de faire une vanne qui, comme vous avez pu l'entendre, Momo, tu es quelque peu à plat. Non, mais hier, je suis montée en voiture avec Momo. Hey, j'ai eu peur. Il cru qu'il y avait un monstre. Non, mais, non, mais attends, c'est hallucinant. Hein. C'est d'ailleurs qu'il était dans un break, mais il y avait ses genoux qui conduisaient le volant. C'est dangereux ça. Non mais il peut pas. Il est plié, il était plié en quatre. Non mais tu sais Bobo que tu peux reculer le siège. J'ai monté le volant. Non mais attends, il est à fond et j'ai monté le volant. Attends, il a reculé. Bobo qui a eu son permis donc c'est. Bobo il est sur la banquette arrière pour conduire. Je suis dans le coffre. Et voilà. Et voilà, célèbre leçon de conduite. C'est ça, putain. La leçon de conduite. Bah, ça va, il était prudent, hein, cela dit, en voiture. Ah, bah, ça, comme ça, on disait, dire. À 30 à l'heure, Momo. Ah, bah. Non, mais t'étais en retard, t'es arrivé. Non, mais t'étais en retard. C'est pas possible. Là. Le pire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand t'étais derrière. Surtout. Là, c'était un peu long. Oui, long, c'est sûr. Ah, tu klaxonnais. C'est-à-dire qu'il fallait pas tomber sur une route à une voie. Ah bah, et puis, non, mais le problème qu'il y a, c'est que pour partir de Skyrock, c'est un peu le cas. C'est malheureusement ce qui nous arrivait. Ah ouais, mais la fois, mais j'ai cru que j'avais au moins 10 minutes, mais pour faire un truc que d'habitude, je faisais en deux, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, limite, à pied, tu rendrais plus vite. Non, mais limite, quand t'es derrière sa voiture, t'as envie de lui foncer dedans et si tu es piéton et que tu es derrière la voiture de Momo, faut que tu mettes ton clignotant pour le doubler. Ouais, t'es con. C'est vrai. Bon, on salue Guillaume, 15 ans, qui vient de nous laisser un message. Je vous écoute depuis longtemps, depuis le CM1, hein, t'écoutes, putain. Et là, je suis en seconde, et même si je connaissais pas vraiment, je suis très ému par son départ. Un grand big up à toi, qui nous a laissé un message. Ah, message de Oran. C'était en Algérie, ça, dit. C'est en Algérie, ouais. Salut CD, ton message de Oran. Salut à toi aussi. Ah, puis on voulait dire bonjour à... Ah, c'est ma surprise, alors. Enfin, c'est ma surprise. Ouais. C'est notre surprise. C'est Mohamed. Oui. Salut Momo. Salut Momo. Salut à tous, salut à toute l'équipe. Salut. Salut à toi Mohamed. Donc toi t'es rédac chef. Vous êtes un pote de Momo un peu. Ouais. Je suis rédac chef à RMC et pote de Momo du parc. Ah mais dis donc, Momo avait ses entrées dans ta boule. Hein. Tu bosses également pour BFM TV, je crois. C'est ça. C'est-à-dire que Momo ne connaît pas. Donc, Momo a quand même des. Des bonnes connexions. Momo a de la relation. Je vois. Momo a le bras long. Oui, exactement. Je remercie les collègues de nos radios amis qui. Oui, c'est vrai, merci. C'est gentil. Voilà. qui ont témoigné, qui nous ont envoyé des messages et voilà. Donc oui, alors t'as juste une petite histoire. Donc tu dis que tu bosses pour RMC. On a Rémi du matin qui me racontait l'histoire hier soir au téléphone. Il me racontait la première fois où il avait rendez-vous avec moi parce qu'il bosse à RMC, il bosse à Skyrock. Et donc il était venu là et moi évidemment j'étais en retard. Et là il y avait que Momo dans la radio. Et Momo, je sais pas comment il a su qu'il travaillait sur RMC à l'époque. Et il arrive dans la pièce où Momo attendait tous les soirs, la pièce des réseaux sociaux, on peut l'appeler comme ça. Son bureau, voilà, c'est ça. Le bureau de Momo, et voit arriver Rémi, et il lui fait « Oh, salut RMC !»« Salut RMC !» Oh, Momo, quoi. Voilà, Momo, et puis après, il lui a pris la tête avec le foot. Rémi, on pouvait plus, mais on a voulu à mort de pas... Tu l'as récupéré, il avait une moitié de cerveau, Rémi. Oui, c'est ça. Il a toujours gardé sa moitié de cerveau. Oui, c'est ça, en fait. Il l'a trouvé demain matin avec nous, d'ailleurs. Avec son semi-cerveau. Dans le morning. Donc, salut RMC. Oh, RMC. Tu l'as rencontré comment, toi, Mohamed, Momo? Difool, en tout cas, c'est une histoire, une vraie histoire d'amitié avec lui, parce qu'on est vraiment devenus potes. Pourquoi? Parce que moi, je vous écoutais déjà dans le RER, j'allais en cours et j'écoutais la libre antenne de Sky, j'écoutais Difool, j'écoutais Romano le matin, j'écoutais Marie le soir et je l'écoutais lui depuis 8 ans, raconter des conneries à la radio, à l'antenne. Ah, c'est ça qui t'a donné envie de devenir rédac chef? Tu t'es dit, trop de conneries à la radio, devenons sérieux. Un peu de sérieux, quoi. Voilà. C'est le soir, Difool, quand tu rentres des cours, tout ça, et vous écoutez le soir, ça nous permettait et ça permet encore une fois une génération actuelle de penser à autre chose. Ce qui est fou, c'est qu'on voit tous les âges. J'ai eu 8 ans tout à l'heure, c'est le plus petit que j'ai vu, qui avait 8 ans, qui laissait un message pour moi, qui était tout mignon tout à l'heure, jusqu'à du... Moi, tout à l'heure, au standard, j'ai eu du 64 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et ça a été une rencontre du Parc des Princes. Lui, il m'a connu grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télé, etc. Moi, je le connaissais déjà sur l'antenne. Et on est de fil en aiguille, on est devenu potes du Parc des Princes. On se voyait pas à côté, mais on se voyait souvent au parc sur les matchs du PSG. Mm-hmm. Il m'a coûté souvent très très cher en grec, surtout une fois. Ça c'était un problème. Momo avait de l'appétit. Des semi-remorques de grec. Momo il bouffe. Le problème des amis de Momo. Ça m'est arrivé de lui dire je t'invite au grec. On attendait, ça, c'était une histoire de ouf. On attendait Zlatan Ibrahimovic. Moi j'étais là pour le taf. Il était là uniquement pour sa passion. Il était là devant le parc tout seul avec moi et un autre mec de téléfoot. Et le mec il était capable d'attendre 4 heures, 5 heures juste pour avoir un autographe et un petit mot. Il l'a eu ou pas? Non, il est venu. C'est Leonardo qui est venu, qui est sorti, qui lui a serré la main. Et il a dit ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux continuer à recruter d'autres joueurs, s'il te plaît? Est-ce que tu peux embaucher d'autres joueurs? Il a parlé à Leonardo comme si c'était son pote de Sevran, tranquille. Et donc ça c'était Momo. Et je lui dis je t'invite à prendre un grec. Le mec il me dit tu mets quoi dedans? Salade, tomate, oignon, chicken, steak, grec, viande. Double fromage. Il a mangé l'assiette à la fin. Et le mec, c'était en plein moment où vous faisiez les régimes là. Et il me dit non, mais tu regardes, j'ai perdu 3-4 kilos. Je lui dis arrête, les 3-4 kilos, tu les as perdus dans. C'est pas possible, je les vois pas là. Ce qu'il avait oublié de te dire, c'est qu'il avait pris 4-5 la semaine d'avant. C'est ça, exactement. Oui. Mais en tout cas, moi, c'était pour ça que je voulais vraiment être avec vous ce soir, pour vous dire, vous avez été une famille pour lui, et lui a été une famille pour tous les auditeurs de Sky, et pour les supporters du PSG, quand on voit ce qu'ils ont fait ce soir, eh bien, c'est juste pour dire que les ultras, c'est beaucoup plus que des supporters, c'est une famille, que, bien sûr, pour lui, on va pas pleurer, les gens ils pleurent aujourd'hui, non, c'est juste de l'humour et juste de la sympathie pour lui, qui était un mec formidable, un mec en or. Il accompagnait toujours un de ses potes qui est handicapé, il l'attendait toujours en bas du parc. Omar qui est d'une sympathie qui est formidable, Omar aussi. Et juste pour vous dire que c'est vraiment quelqu'un qui est au parc, attentionné, attachant. J'ai parlé à beaucoup de joueurs, j'ai eu Jérôme Roten aujourd'hui. On parlait de la vidéo tout à l'heure de Roten. Il a posté Roten. Tu te rappelles de l'embrouille Roten Momo, célèbre embrouille qui a valu à Momo de passer à la télé. Toutes les chaînes. C'est le mec. Jérôme était vraiment ému. Ça nous a beaucoup touché. D'autres gens comme Daniel Riolo, qui est un grand éditorialiste du PSG, qui a été très très touché aussi. Des joueurs qui m'ont envoyé des SMS. J'espère vous en mettre un ce soir. Il y a des joueurs qui m'ont envoyé des SMS pour me dire on pense à Momo, on pense à toute l'équipe de Sky. Ce matin très tôt, moi j'ai tout de suite prévenu le PSG qu'il fallait faire quelque chose pour vendredi soir et pour soutenir Momo. Pour le match de vendredi? Oui, pour le match de vendredi soir contre Rennes. Et je peux vous dire que c'est monté en très haut lieu parce qu'on est touché par Momo et j'espère pouvoir réaliser quelque chose de vendredi. Vendredi, c'est pas simple. Mais pourquoi pas une minute d'applaudissement pour Momo pour lui rendre hommage pour la folie, fait, la ferveur. Je suis sûr que ça lui fait très plaisir de voir tout ça. T'es sûr. Je pense qu'il n'imaginait pas tout ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai vu des gens qui avaient le sourire, qui pensaient à lui, des gens sur les réseaux sociaux. On se rendait pas compte de son importance, peut-être. Et juste 30 secondes, moi, il y a des gens qui me disaient ça, juste 30 secondes, l'écouter 30 secondes à l'antenne. On l'entendait pas autant que toi, Difool, autant que Romano, mais juste ces petits mots, ça nous faisait juste rire. C'est clair. Non, mais il se planquait surtout. Pour moi, il se mettait jamais en avant. Ouais. Et voilà, il me parlait beaucoup de vous parce que moi je disais à chaque fois, je vais venir à Sky un jour vous saluer, faire un big up. Il me disait, mais viens, c'est une belle équipe, c'est une grande équipe. Le mec, il s'en foutait, il s'en battait les couilles de lui, il parlait tout le temps des autres. Et c'est juste, voilà, on perd quelqu'un de bien, de bon, d'attachant, qui avait toujours le sourire au Parc des Princes et qui était une crème et qui avait toujours l'humour. Attends, toujours le sourire au Parc des Princes depuis le Qatar. On peut dire que Momo a vécu des moments difficiles. Ah, aussi, ça c'est clair, ouais. Parce que c'est un supporter historique du PSG. Ah, il en pouvait plus par période. Il a eu des périodes. Et là, il y a Omar, son meilleur ami, là, qui est là, dont tu parlais. Tu vois, il y a Omar, il est là. Et Omar, c'est toi qui nous racontais tout à l'heure que ces derniers temps, donc quand il était à l'hôpital, il te parlait de ce qui se passait dans l'émission. Il te dit, oh, il y a Will.i.am, il vient ce soir. Oui, absolument. C'est-à-dire que je vais voir à l'hôpital. Moi, je suis. Tu l'as connu comment, juste avant ça Par rapport au foot, en fait. Oh, c'est étonnant, tiens. Comme toi, Momo. Ah, c'est bizarre. Mohamed, par rapport au foot. Omar, par rapport au foot. C'est quand même. Il y a que nous qui l'avons. Si, nous aussi, par rapport au foot. Ouais, exactement. Commentateur sur Skyrock, par rapport au foot, ouais. Et alors? Et donc je vais le voir à l'hôpital, donc moi je suis pas bien et tout, je m'inquiète pour sa santé. Un des premiers trucs qu'il me dit c'est ce soir il y a Will.i.am à la radio, si tu veux y aller, tu leur dis que tu viens de ma part. J'ai limite insulté quoi, genre il était là dans son lit, j'ai dit mais c'est pas possible. Fin... Tu veux me virer de ta chambre. Non mais voilà, franchement je m'en fous de Will.i.am quoi, franchement j'en avais rien à faire quoi. Ouais, puis toi t'as fait pratiquement tout le tour de la France avec lui. Ouais, j'ai fait tout le tour de la France avec lui dans des road trips improbables et ça restera que des bons souvenirs de toute manière. Voilà. Moi je me rappelle d'un truc, Difool. Et je me rappelle d'un match, il sortait de l'hôpital, il avait été faire quelques soins. Le match était un samedi 17h au Parc des Princes. Et le mec, il est venu, et je lui ai dit, mais wesh frère, va dormir, repose-toi, va voir une meuf, va au cinéma, je sais pas, pense à autre chose. Il m'a dit, non, c'est pas grave, je suis là pour soutenir Paris. Je les ai trop connus dans la galère pour pas être là quand ils sont... Ils sont au top. Ouais. Donc il m'a dit, voilà, je viens, et je lui ai dit, t'es sorti il y a 2-3 heures. Il me dit, non, je m'en fous, je viens. Et c'est pour la chose la plus importante, c'est Paris. Et si je peux me permettre, même si c'est très important, la famille c'est très important, je voulais juste faire un gros message de soutien à sa maman et lui dire qu'elle a enfanté un garçon en or et que voilà, il y a plein de gens qui la soutiennent ce soir et qu'on est tous avec elle. Et je lui fais un gros bisou si je peux me permettre et lui dire merci à toute ton équipe. Merci à toi, Mohamed. De donner une sourire. Merci de donner une sourire à les jeunes. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Momo. Merci. Salut, Momo. Voilà. Salut à vous, la team. Salut à toi. Et voilà, c'est des messages qui nous ont fait plaisir. Tu vois, Omar, hein? Ouais, mais Omar, il sait parce qu'il nous disait tout à l'heure, on a bu un petit verre avec Samy et tout, là, avant l'émission pour un petit. Ah, j'en ai bu plusieurs, moi, des verres. Hein. Ouais, c'est vrai, en plus, j'en ai bu deux. Omar, t'as vu comment elle enquille, Marie? Non, mais bonne descente. Bonne tout court, gros. Avec Omar, on prend une bière chacun tranquille. Marie, elle en avait déjà pris 4 ou 5. Non, j'en ai pris que 2. T'es malade ou quoi? Mais dis, j'en ai pris 2 aussi. Amenez-moi la citerne, c'est bien. Tu l'envoyais chercher des bières parfois, Marie. Ouais, de temps en temps, ouais, c'est vrai. Et voilà. Ouais, on discutait de ça avec Omar qui disait mais moi j'ai fait le Tour de France, c'est-à-dire il était fatigué et tout, il m'a embarqué dans sa caisse de bordélique déjà. À 20 à l'heure, exactement. Ouais, c'est ça. Jusqu'en Allemagne pour aller voir des matchs du PSG. Ouais, c'est arrivé. Ouais, c'est... Je regardais les messages qu'il m'avait envoyés, donc là quand il était, vous l'entendez moi ces derniers temps dans l'émission, comme disait il était avec nous. Ouais. Mohamed, et les messages qu'il m'envoyait, donc juste avant l'émission, celui-ci je vous l'avais lu en direct. Salut, Difool. Juste un petit message que tu peux lire sur Benzema et sur l'OM. Pour Benzema, sportivement, c'est terrible. Ah mais oui, de oui, ne oui, pas oui. le prendre. Et c'est vraiment dommage que l'extra sportif joue beaucoup dans cette décision. Et voilà. Et je me souviens, j'avais même dit ouais. D'ailleurs, il avait pas tort. Ouais, c'est clair. C'est vrai, vous étiez d'accord. Et ouais. Et l'extra sportif a beaucoup joué et que la politique a pris le pas sur le sportif. Voilà exactement ce que nous avons dit. On faisait des analyses, des éditoriaux magnifiques. Surveiller des trucs, ouais. Et sinon, sur l'OM. Tiens, Samy. Ah, tiens. Il avait ça. Je sais pas si j'avais lu en direct ici. Mais vas-y. Sinon, sur l'OM, c'est mon sourire de la journée. Merci, l'OM. Je sens que la brune, le président actuel, va être viré avec le nouveau propriétaire. propriétaire. Pas de points de suspension, tu vois. Ça me rappelle un peu le rachat du PSG à l'époque où le trou, le président, pensait rester et au final, les Qataris l'ont dégagé. Momo nous fait. Smiley. Sur son lit d'hôpital. Les petits éditos de Momo. Ouais, c'est ça, exactement. Le petit smiley. Et pour terminer, voilà mon point de vue. Voilà. Voilà. C'était l'édito de Momo. Et voilà. C'était l'édito de Momo. Bon, il y a J plus 1 qui lui a fait un hommage ce soir. Ouais, l'émission J plus 1 qui lui a fait un hommage aussi. Émission merci Laurent. L'émission qu'il regardait. Ouais. Et qu'il aimait bien. C'est gentil. Ouais. Voilà, une émission sur Canal. Il aimait beaucoup. Ouais, il aimait beaucoup. On en parlait de temps en temps. Hein, tout de suite. Merci à Laurent Salvaudon, le rédac chef de J plus 1. Exactement. Très bien, merci à lui. Il y a Ludivine que vous voulez. Bin aussi qui avait fait un truc hier soir. Xavier Vaution, ce qui commente le basket. Ouais, j'ai. Jack Monclar. Tiens, je l'ai le truc de Bin, si vous voulez. Je viens de recevoir sur le hashtag NBA Extra. Oh non, c'était adressé personnellement. Xavier Lafosse qui nous envoie. Salut Xavier, grosse pensée pour Momo de Skyrock qui est décédé hier soir. Donc Momo de Skyrock, décédé, qui était un grand fan. Donc voilà. Toujours désolé. Oui, absolument. Donc effectivement, une vraie pensée pour lui. Bien, merci de nous avoir fait penser. Bien pour lui et les gens autour de lui. Il a démarré dans son lit, dans l'émission. Et il termine et il représente tout ça. Ça lui aurait fait très, très plaisir. Ouais, tout à fait. Tous vos messages, on a montré tout à l'heure les messages, une partie des messages à la maman de Momo qui voyait défiler tout ça et vous avez fait beaucoup de plaisir. Quand même. Ouais. Tout à l'heure. Bon, alors, on a Ludivine qui est au téléphone avec nous en direct de Rouen. T'as attendu longtemps, Ludivine, mais comme je vous disais, on pourra pas tous vous passer ce soir. Salut encore Melou qui nous envoie un message en disant que même Malik Bentala a passé un message, on a vu tout à l'heure, merci à lui. T'es venu plusieurs fois dans l'émission, Malik. Bonjour à Mystique, bonjour à Je te baisse Cédric, un pseudo, Je te baisse Cédric 16 ans, un pseudo qui aurait fait beaucoup rire Momo. Beaucoup moi Cédric. Ah bah ça c'est rire. C'est clair. Coucou, Je te baisse Cédric. Voilà. Bonjour à donc Je te baisse Cédric 16 ans qui vient d'envoyer un très beau message. Le mieux c'est le pseudo en fait dans le message. Bon, oui Ludivine, qu'est-ce que tu voulais rappeler comme souvenir ou qu'est-ce que tu voulais dire ce soir? Alors déjà bonjour à toute l'équipe. Ouais Ludivine. Et puis bon courage à vous. Et je voulais en fait moi j'ai rencontré Momo, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a bientôt 2 ans au Kinder Arena à Rouen. Il t'a dragué pour le plug foot? Il t'a pas dragué? Attends, c'était un gros dragueur. Non, il y a mon mari derrière en plus. Donc il n'était pas envie de se faire péter la gueule non plus. Oui. Ouais. Non, mais en fait, il est petit, donc je crois que c'est Momo qui aurait gagné en fait. Oh, le petit est vif, méfie-toi. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Mmh. Et du coup, je l'ai rencontré. En fait, moi, je l'ai repéré direct. En plus, il avait une dégaine habillée et tout. Il m'a fait trop rigoler de jogging. Ouais, ça, carrément. PSG peut-être, non. Il arrivait bientôt au ventre et tout. Il avait pas la braguette ouverte, c'est bon. Ah, j'ai pas fait attention. Avec une petite tache du sandwich qu'il venait de manger. Mais il a joué au foot, hein. Il a couru et tout, il a joué au foot. C'était vraiment marrant de le voir jouer. Et du coup, j'ai été le voir pour faire une photo et en fait, il m'a dit, mais c'est pas moi la star, pourquoi tu viens me voir? Et je dis, en fait, ça fait 10 ans que j'écoute Skyrock et tout et je m'endors avec vos voix, enfin, vous tous. Et du coup, je dis, moi, je suis fan, donc pour moi, c'est toi la star. C'est pour ça que je disais qu'il serait halluciné de voir. Ah ouais, c'est il serait heureux de voir. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il se croyait pas du tout une star. Enfin, il se pensait pas connu, je pense, à ce point-là. Donc non, là, il serait halluciné de tous les gens qui pensent à lui, quoi. Il vivait son truc, il vivait sa passion. Sa passion, je le rappelle. Bien sûr. Et Omar nous racontait tout à l'heure là qu'on a vu un coup qu'effectivement comme il partait souvent là dans les stades et tout, des mecs qui venaient le voir. Ouais, qui venaient le voir et une fois il a appelé Momo de loin et en fait on l'a reconnu et Momo il savait plus où se foutre. Il voulait absolument pas qu'on le reconnaisse quoi. Non mais je me suis fait pourrir derrière. Mais c'est ça en fait, il se prenait vraiment pas pour une star quoi. C'était vraiment le mec tranquille et tout et c'était un gars super bien quoi franchement et même si je l'ai vu qu'une fois et même si je l'écoutais seulement à la radio. Aujourd'hui, ce matin, quand j'ai appris ça, j'avais vraiment une boule au ventre et ça fout carrément les boules, quoi, parce qu'il a mon âge, enfin, il avait mon âge, et c'est vraiment difficile de se dire qu'on peut partir si jeune, quoi. Ben, on l'a connu plus de la moitié de sa vie, nous, hein. Ouais. Il a démarré à 14 ans et il est parti beaucoup. Il commence à avoir des poils, beaucoup trop tôt. Sur la barbe. Momo, quand il est passé la première fois à l'antenne, il avait encore une voix de pyjama. Ouais. Hein, de petit... Ah ouais, il avait une voix bien aiguë. Ouais. Pop, PSG, après, il un peu. Ouais, et puis il gueulait sur Samy à l'époque. T'as vu des célèbres débats. Samy, Momo. En tout cas, c'était un battant et on savait même pas qu'il était malade, quoi. Donc il s'est jamais plaint, on n'a jamais entendu. Et c'est un battant, et moi je voulais dire, j'ai un petit garçon de 7 ans qui a une grave maladie, il vit au quotidien une maladie, c'est difficile, et franchement, respect à lui, parce qu'il s'est jamais plaint, et c'est génial. tout cas, il a été très. Il y a vraiment une qualité qu'on peut nous demander. C'est vraiment, il était courageux. Ah ouais, très, ouais. Vraiment. C'est ça, en fait. Mais je pense que c'est les gens qui sont atteints par des graves maladies qui sont plus courageux que les autres. Ouais, souvent. Je sais pas, mais en tout cas, pour son cas, lui, oui, ça c'est clair. Ah, il s'est jamais plaint, ouais. Mais c'est ça, en fait, il s'est jamais plaint et on savait même pas qu'il était malade. Mais même en antenne, comme on disait tout à l'heure, on lui disait. Rentre chez toi, va te reposer. Parfois, on l'engueulait pour lui dire, il faut aller se coucher quand même. Moi, il me disait, je suis fatigué. Je lui dis, rentre. Il a dit, fou que t'es fatigué, rentre. Enfin, c'est normal. Non, je reste là. À chaque fois, il lui disait que ça allait, ouais, toujours. Tout le temps. Non, t'inquiète pas. Non, ça va aller, je reste là. Un grand bonhomme. Ah bah 2 mètres quand même. Ouais. Oui, en plus, ouais, physiquement aussi. Plus, ouais. 2 mètres. Par la taille et par le cœur et tout, c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Merci Ludivine. Enfin, gros bisous Ludivine. Gros bisous. Bah, de rien, juste si vous pouvez envoyer une photo dédicacée avec tout, vous tous et puis lui, et ça serait génial. Je serais contente de l'avoir. On va te trouver ça, on t'envoie ça tout de suite. Il y a plein de liens pour aller mater. Dédicace à tout le monde. Il y a un album photo qui a été fait sur le Facebook de Skyrock FM. Ouais. Je sais pas s'il est déjà en ligne, mais enfin, bon, c'est des trucs dont on a parlé tout à l'heure. Il y a quoi ? Il y a tous les. Il y a un blog aussi qui a été fait pour. Ouais, puis mon mari va envoyer la photo avec le maillot de Paris parce que c'est un fan aussi. Donc. Ah, lui aussi, il a des problèmes, oui, ça. Ouais, puis non, c'est moi qui ai des problèmes surtout, c'est pas lui. Ouais, il fait chier, oui, ça me comprend. Nous aussi, tu sais, il nous a fait chier à un moment avec son PSG. J'en ai marre d'entendre gueuler après le foot, c'est bon. Bah écoute, elle n'en peut plus, en fait. Eh ben, on souhaite. Ah non, je suis à saturation, là. Tu fais plus l'amour, quoi, en fait, c'est ça l'histoire ? Bah voilà, c'est ça, en fait. Mais voilà, du matin. T-shirt Zlatan. Il était au Stade de France et tout, il rentre à des 3h du matin. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est vrai ce que dit Foul. Tatoue-toi Zlatan ou un truc comme ça. Ouais, voilà, le visage de Zlatan dans le dos. Non, mais là, j'ai la peluche de Zlatan sur la table de nuit de mon mari quand même. Très bien. Mais c'est qu'en plus, il a des goûts de chiottes. Bah oui, en plus. Ne dis pas ça, Momo, là aussi. Non, mais tu m'étonnes qu'il n'ait pas envie de baiser. Momo aussi dormait avec sa peluche. Mais quand tu es allé chez lui, Cédric, la couette. Raconte-nous l'histoire de la couette. Écoute bien l'histoire de la couette, là. Un matin, j'étais parti réveiller. Alors, je sais plus, c'était pourquoi c'était dans l'émission le matin. Et je vais, en fait, il habitait au rez-de-chaussée, donc on voyait par sa chambre. Je voyais sur le mur des trucs, des tifos, genre PSG, PSG. Et tout, ouais. Il avait la couette du PSG, les têtes d'oreiller PSG, il avait aussi les chaussettes du PSG. Les chaussettes du PSG. Ça, c'était ses chaussettes avec lesquelles il baisait aussi. Ouais. Ça, on avait eu des témoignages. Ah, ouais, c'est ça, poignant. Et quand je l'avais cramé, il savait plus où se mettre, il avait fermé les rideaux et tout. Il a la photo de Zlatan, mais enfin là, vu ce que vous venez de dire, je crois qu'il va me dire faut que j'achète la couette, faut que j'achète tout. Ah bah ouais, tu peux y aller, hein, parce que Momo, il avait de l'avance là-dessus. Je suis mal barré. Merci, il était les gars, équipé, c'est sympa. Quoi. Voilà, mais on t'a trouvé une belle solution. Voilà. Merci, vous êtes cool. Ça va être sympa la déco chez vous. Oui. Non, mais fou, un slip avec PSG. Et quand vous allez baiser, alors ça, ah ça va être le top du top. Hein. On est vraiment bien. Il va se placer sur Zlatan plutôt que sur Sam, c'est pas mal, sympa, merci. Merci Ludivine, on te fait bisous, Ludivine. Bah, de rien, merci, bon courage bisous. À vous. Puis grosse pensée à Momo, bisous. Bah oui, grosse pensée à lui. Gradure pour Momo. Tu nous racontais, Omar, c'est un des meilleurs potes de Momo. Ouais, ouais. Tu nous racontais que. Vas-y, voir ça, parce qu'on va quand même qu'on meurt de rire avant la fin de l'émission. Tu nous racontais que Momo s'ambiançait dans la voiture en rentrant des matchs du PSG. En dansant sur. Enfin, en dandinant sur. Ouais, c'est ça, exactement. Quoi. Mais est-ce qu'il chantait ? Oui, non, mais tout à fait. Ça donnait des moments absolument incroyables. Pourquoi t'as pas enregistré ça ? Il était 2h du matin et je le vois danser sur Rossa alors qu'il pleuvait. On rentrait de je sais pas où, une destination un peu sombre. Bon, Paris avait gagné. Et oui, évidemment. Ah, évidemment. Ouais, ouais. Comme d'habitude. Évidemment, donc oui. Donc non, mais il chantait de temps en temps dans la voiture, mais bon. Ouais, parce qu'à chaque fois, on voulait le faire chanter. À l'antenne, il a jamais chanté. Alors, j'ai dit, il pleuvait, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Ouais, sans doute. Sans doute, c'est possible. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de. Jamais on a réussi à le choper en direct et le faire chanter. C'est fou. Hein. Ouais, je l'ai entendu, mais je pouvais pas l'enregistrer, sinon il m'aurait crié. Mais bon. Ouais. J'ai des souvenirs. Ah, bah, on a tous plein de souvenirs, on les gardera longtemps dans nos têtes. Et, bah, toujours moi. Et encore un grand merci pour tous les messages. Tu vois ça un peu, Omar, c'est la folie. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, tous les messages que vous laissez, on va les remettre à la famille de Momo, sa maman en particulier, qu'on embrasse encore très fort. Momo, merci pour ta gentillesse, nous dit Mamaï. Darko, c'est les derniers qui arrivent. Hein. Darko Boy qui nous font repose en paix Momo, tu vas énormément nous manquer. Merci à toi Justine. C'est des clients de Orange qui m'ont parlé de lui toute la journée aujourd'hui. C'est Justine qui a 18 ans et qui bosse chez Orange. Salut à toi Justine. Auditeur de plus de 15 ans, Mathieu du Nord. C'est un peu comme si je perdais un proche. Vous êtes plein à avoir dit ce genre de choses. Ah bah ouais. Voilà, j'ai 27 ans, j'écoute Skyrock depuis mes 14 ans. Nous dit Farah, je suis bouleversé, Momo fait partie de ma vie. Merci à toi, Farah, on t'embrasse. À jamais dans notre cœur. Popom Momo. Ah ouais, la musique que je voulais vous faire écouter. Ah oui. Ah, t'as bien fait d'envoyer le message pop-pom, Momo. Ouais, pop-pom. C'est donc une des musiques préférées de Momo. Ouais, on en a écouté plein ce soir. On a écouté du Soprano, on a écouté La Section d'Assaut. On a écouté Youssoupha, on s'est fait Eminem, on s'est fait Snoop Dogg, le grand pote de Momo. Les deux faisaient 2 mètres quand ils étaient tous les deux dans le studio. C'est... Le pire, c'est quand on a reçu Snoop Dogg, Wiz Khalifa et qu'il y avait Momo à côté. Oh putain. C'est-à-dire que même moi qui suis assez grand et musclé, j'avais l'impression d'être un nain. Ah, c'est clair, alors moi. Alors, mon pauvre Romano, t'étais un microbe à côté. Carrément. Tout petit microbe à côté. Et je sais plus ce que je vous disais. Le message, la musique de Momo. Poupou, la musique de Momo. Excusez-moi. La musique de Poupou. Alors, une des musiques préférées de Momo. C'est énervé quand on passait ça. On nous demandait si c'était pas lui qui chantait dessus. Écoutez bien. Je vous rappelle des souvenirs. Ouais, Paris. Je vous rappelle des souvenirs, hein, Omar. Allez, péché. Allez, Paris Saint-Germain. Allez, péché. Ça change d'Eminem, de Snoop, de Section d'Assaut, de Soprano. Ouais, mais il gueulait à chaque fois qu'on foutait ça. Pom, pom, pom. Ouais, t'arrêtes. Arrêtez. Ah, putain, il y a Omar qui gueule. Tu fais bien, Omar, ouais. Arrêtez, arrêtez. Là, il claquait la porte. C'est bon. C'est ça. Ça aussi, ça nous a coûté. Il démontait la porte. Ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher en porte, tout ça là. Bon, et un dernier fou rire avec Momo. Et juste avant, Jessie, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début d'émission, on en parlait là, juste pendant qu'on écoutait Rosa, on en parlait tous ensemble. Romano, tu disais que respect aux supporters. Ah, c'était beau. C'était vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Ouais. Respect au Supra, c'est ça. Ouais. Supra Auteuil. Merci aux supporters. Ils sont organisés entre eux. Ouais, ils ont fait vraiment un hommage magnifique. Quoi. Bravo les gars. Efficace. Ça nous a beaucoup beaucoup touché. Ah, ils sont venus tout à l'heure devant la radio. Ils étaient là avec. Donc ils avaient préparé des tifos. Oh ouais, c'est ça. Une bâche avec. Il y avait écrit quoi sur les tifos? Parce que moi j'étais tellement. J'ai pas. Momo a jamais l'œil du virage. L'œil du virage. Repose en paix. Un Supra ne meurt jamais. Comme ça quoi. Mais c'est bien qu'ils aient fait ça parce que Momo il les considérait vraiment comme sa deuxième famille. C'est je trouve qu'ils lui ont bien rendu. Ils lui ont rendu un bel hommage. Et la bâche, ils l'ont remise à la daronne en fait. La maman de Momo. Ouais. Et il y a une ligne de silence aussi. Oui, la maman de Momo qui est venue tout à l'heure parce que. Ils lui ont fait une haie d'honneur dans la rue. Et bon, voilà, c'était très bien les supporters, vraiment joli. Ouais. T'as le petit extrait, ouais. Vas-y. Ça, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure devant la radio. Ah, d'ailleurs, si on voulait, il y a Magic 92 qui dit la police est en deuil ce soir avec la perte de Momo. On remercie d'ailleurs les autorités d'avoir laissé faire ça tranquillement, sans embrouille. Écoutez la chanson pour Momo. Écoutez. Images, on les a mis sur tous les réseaux de Skyrock, vous pouvez les mettre ça. Merci supporters. Et tiens, pour finir avec un sourire, Momo et les bonnes années qu'on a écoutées tout à l'heure. Mais alors ça vous a plu. Ah oui, ça vous a plu aussi. Allez, les bonnes années de Momo. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler tous les ans, il y avait droit, on a rigolé. Ça c'est en exclu, alors on les réécoutait entre nous parfois. Là vous allez pouvoir en profiter parce que ça se passe en antenne. Ah mais tous les ans, moi je me disais à la fin des enregistrements des vacances de Noël, je me disais il va y avoir les vœux, ça va être encore le festival. Ah, on attendait tous les vœux. Oui, moi c'était plutôt putain de les vœux putain. Il est 3h du matin, combien de temps ça va durer? Oh là là là là là. Non, c'était à cause de vous. Non, mais on rigolait, je sais pas, c'était trop drôle quoi. Écoutez bien les vœux de Momo pour la nouvelle année. Je vais le faire tout seul. Vas-y, laisse-le essayer tout seul une fois, vas-y. Allez. Salut, c'est Momo de la Radio Libre, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Quand tu dis ça, t'as toujours l'air d'un con. Bah oui, t'as l'air d'un con. Ouais. Allez, une deuxième Momo. Salut, c'est Momo de la Radio Libre. Vous êtes... Non, mais il était très bien le premier. Salut, c'est Momo de la Night. Non, mais fais, c'est Momo de la Night. Vas-y, mais fais-le, Momo. Salut, c'est Momo, je vous remets des glaçons. Dis ça. Allez, Momo. Ah ouais, Momo. Remets-nous des glaçons. Salut, c'est Momo. Allez, Momo. Allez, Momo, il tape dans les mains. Je vous remets des glaçons. Salut, c'est Momo, je vous souhaite à tous plein de bonheur. À tous et plein de bonheur. Salut, c'est Momo, je vous souhaite à tous. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Le meilleur de Momo, ça se poursuit. Hein. La spéciale de Momo en ce dimanche soir. Vous débarquez à l'instant même. Voilà, de la spéciale de Momo qui nous a quitté la semaine dernière. Tiens, j'ai été vous chercher un épisode. C'était il y a quelques mois. Fababy était passé dans la radio libre pour présenter un son. Il avait lâché un petit dossier d'ailleurs parce qu'ils étaient à l'école ensemble en fait. Momo et Fababy, ils étaient en troisième. On se met ça maintenant dans la spéciale de Momo sur Skyrock. Attention, une info tout de toujours, suite. Toujours. Alors attention, info spéciale, flash spécial, Fababy. Avec Cédric, parce que c'est une information qui est avec Cédric. Alors. On a cramé Momo à la chicha. Oui. Voilà qui t'énerve. Mais qu'est-ce qu'il faisait à la chicha? Et je rappelle, Momo et moi, on était dans le même lycée. Ah oui, c'est vrai. Tu nous avais raconté ça quand tu étais passé dans l'émission. Ah putain, il draguait toutes les meufs avec son long manteau. Oui, je travaille à Skyrock. Il avait un long manteau. Bah ouais, comme les pervers. Est-ce qu'il était nu sous le manteau? C'était autant, je commençais avec des sports routiers. Et lui, il était trop connu, il m'énervait trop. Il avait son long manteau de Colombo. Ouais, moi je connais. Ceux qui veulent voir Rihanna, venez. Oh bah Momo, dis donc, heureusement que Fababy est venu. Il faisait des trucs comme ça, son long manteau de. De pervers. Il avait un long manteau de comme. Comme dans le film de Tardré là. Je vois. On en apprend tous les jours. Et Momo, on va le retrouver dans le problème du mois. Momo, il est tout rouge. Il drague des meufs aussi à la chicha. Momo drague des meufs à la chicha. Au Blue Crystal, voilà. Il drague des meufs là-bas. Tu fumes la chicha, Momo, ou pas, là? Ouais, en fait, il y avait le patron de la chicha. C'est ma vraie question. Je te raconte une histoire. Oui, fumer la chicha, peut-être, non? Il y avait le patron de la chicha. Il était en train de draguer deux meufs. Non, c'était un client. Il a pris deux râteaux. Et maintenant, il est parti servir un autre client. Et Momo lui a piqué la place. Quel dragueur, mais quel tombeur, ce Momo. You listen to the radio Skyrock, comme elle parle anglais. Lisez, parle anglais. Ah non. Si. I'm the animateur radio Skyrock. You listen to Skyrock. Ok. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Yeah, la spéciale de Momo en ce dimanche soir. Encore un grand merci pour tous les messages que vous continuez de laisser en hommage à Momo, Amine de Roubaix. Il y a Gap GPG, il y a Panda 45630 qui vient d'arriver. Donc voilà, hommage à Momo. Ça a continué tout au long de la semaine. Encore cet après-midi, on était quelques centaines réunis au Parc des Princes. Encore merci pour tous les messages, toutes les dédicaces que vous avez envoyées pour Momo. C'est un petit peu ce qui était chanté en sortant du Parc des Princes tout à l'heure. Momo toujours avec nous, donc voilà, on pense encore à lui. Rail Suprême, on va penser à Momo tout au long de la nuit, encore avec Fred et DJ Case. On est en train de préparer tout ça. On va se quitter, on va terminer cette spéciale avec des chants à Momo et Wiz Khalifa aussi avec See You Again, la spéciale de Momo sur Skyrock. Momo, Momo, Momo, Momo. Je sais, ça me seul, car vous deux, c'est pas la vie.